Bonjour, bonne année et bienvenue dans votre nouvel épisode de Casse sur table. Avec moi aujourd'hui, Arthur. Bonsoir. Nécro. Salut. Et Issam. Bonjour. Alors, nous passons de 3 à 4. Arthur est revenu. Eh oui. Es-tu content d'être revenu avec nous ? Je pensais m'avoir vaincu, mais je suis revenu. Bon, on verra à la fin. Ah, d'accord, okay, merci beaucoup. Ça va encore être un épisode de la joie. Bonjour et bienvenue dans Suicide Cast. J'espère que vous serez d'accord sur tout là ce coup-ci. Hein. Sûrement, moi j'en ai marre de dire. Il y a des chances que non. Il y a des chances que non. Il est en train de dire que vos coups de cœur du mois c'est de la merde donc bon. Non, mais ça s'améliore. Ah, ok. C'est la page 30. Oui, bien sûr. Oh là là. Sally n'est toujours pas là. Sally a terminé son déménagement. Le problème c'est qu'elle a changé de région donc ça va être un petit peu plus compliqué d'enregistrer. Par Skype, avec elle. Quoi ? On peut-être l'inviter par Skype. Oui, ou quoi, elle reviendra. Parce que c'est prévu. Ah. Voilà, qu'elle refasse des petits sauts sur la région de temps en temps. Ok. On passe directement au sujet ou vous voulez raconter des trucs ? Ça va. Bon, non, ça va. On va pas raconter nos vies. C'est super triste. Mais il y a un moment, on le faisait. Bah oui, mais on s'est rendu compte qu'on est une merde. Donc on a arrêté. C'est l'histoire d'une femme qui va voir son médecin. C'est une blague de Miguel ? Ouais, je vois laquelle ça. Sans plus de transition, et avant que Nécro se mette à raconter des blagues de Jean-Marie Bigard, nous allons passer au fond de l'émission, au bas-fond de l'émission plutôt, puisque nous allons attaquer Samurai 8, la nouvelle série du papa de Naruto, c'est-à-dire... Masashi Kishimoto, voilà. Merci, c'est toi qui es devant l'écran avec les noms, est-ce que tu peux t'occuper de la présentation ? Ouais, donc c'est un shonen publié dans le Shonen Jump, par Masashi Kishimoto au scénario et qui est plus dessinateur puisque là c'est Akira Okubo. C'est en cours avec 3 tomes au Japon, la publication francophone est très rapprochée parce que le tome 3 va sortir en mars. Puis il me semble que Kana balance les chapitres semaine par semaine, non, en ligne. Peut-être, ouais. Je suis pas. Ouais. Hein. Alors bon, j'ai lu le tome 1 ce matin mais un peu vite, mais alors donc ça se passe dans une galaxie qui est en lointaine, très lointaine. Okay. Donc qui est en fin de vie a priori, enfin où c'est un peu le danger quoi. Et donc ah, c'est vraiment la licence Star Wars alors. Pour sauver les planètes et pour sauver la vie etc. Ouais, je suis vraiment en train de lire le résumé qui est en face de moi. Hein, mais alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Un samouraï a reçu la mission de trouver la boîte de Pandore. Putain, c'est pas du tout ça. Moi, je m'en rappelle. Ok. Dans lequel le dieu guerrier a en gros mis un secret. Enfin, en gros, c'est One Piece dans l'espace, quoi. Hein ? Bah oui, Attends, non mais si, il y a un dieu guerrier qui a caché le secret pour sauver le monde et ils doivent le retrouver. Mais on sait pas si c'est ça, One Piece. Oui, enfin. Oui, c'est vrai. Il y a un mec puissant qui a caché quelque chose et tout le monde essaie de le trouver, c'est ça ? Oui, bon. Mais à ce moment-là, le chaudron d'Astérix aussi. J'ai jamais dit que le chaudron d'Astérix n'était pas inspiré de One Piece. One Piece, ça peut être un ticket de réduction. Hein. Je veux dire, on ne sait pas ce que c'est du tout, le One Piece. Hein. C'est... Oui, mais bon... Là, t'as spoilé, là. Voilà, il a spoilé. Et donc, bref, pour l'ouvrir, faut cette clé. Putain, c'est vraiment cliché. Et donc, Hashimaru, un enfant faible et sous assistance médicale depuis sa naissance, va se retrouver à jouer un rôle de grande importance dans cette aventure. Wow. Sachant que c'est même pas vraiment une mission qui lui est confiée, c'est lui qui veut faire ça. Ouais. Après, l'espèce de chat, le chat dieu lui dit ouais, ok, vas-y. Mais c'est de base, il veut faire ça de toute façon. Oui. C'est même pas une mission qu'on lui donne particulièrement. Oui, c'est lui qui a soif d'aventure et qui veut partir de lui-même. Ouais. Mmh. Comme n'importe quel héros de shonen. Ouais. Du coup, ça, fait ça devient encore pire. Alors, oui, parce que pour contextualiser, mes deux collègues. Alors, déjà, on est 3 à l'avoir lu autour de la table. Nécro ne l'a pas lu. Et mes deux collègues n'ont lu que le tome 1. Mmh. Et en fait, ce cliché de shonen devient encore plus intense dans le tome 2 parce qu'on se rend compte qu'il était prédestiné à tout ça, en fait. Et en fait, il y a des raisons qu'il soit un grand samouraï dès le début. Genre, c'est sa prédestinée, tu vois. Du coup, ça me fait penser à Eden Zero, mais. Bah, ça me fait penser à plein de shonen. Hein. Oui, voilà. C'est aussi un cliché. Sauf que normalement, tu t'en rends compte au tome 40, quoi. Pas au tome 2, là. C'est vraiment du putage de gueule. Mais Eden Zero, c'est aussi de la SF. Ouais, Eden Zero, c'est aussi de la merde. Ouais. En fait, pardon. Pourtant, franchement, au début, j'ai eu un peu d'espoir avec justement cette histoire d'assistance médicalisée. Je trouvais intéressant d'avoir un héros qui rêve d'aventure, mais qui, pour le coup, a vraiment quelque chose qui le bloque totalement. D'accord. C'est pas juste le héros débile de base, comme on a souvent, qui peut partir à l'aventure, mais qui est juste trop con pour y arriver. Là, il a un... handicap, mais finalement c'est réglé en 2-2 dès la fin du chapitre 1. Du coup, en fait, pourquoi faire ça si c'est pour le régler aussi facilement? Déjà, ça, j'ai pas bien compris l'idée. Mais surtout que le père avait comme projet d'essayer de lui construire un fauteuil roulant amélioré et tout, enfin, donc il y avait un potentiel, quoi, d'essayer de lui créer des Ouais, moyens c'est vrai. techniques, quoi, de devenir un héros, et en fait, non, ça part à la poubelle super vite. Alors que c'était genre le projet de la vie du père, et non, c'est bon, son fils va mieux en 2 secondes, et enfin, je sais pas. Tout ça aussi, c'est expliqué dans le tome 2. Ouais, mais En bon, fait, non, mais ça t'est expliqué. ça change pas le fait que c'est non, clairement c'est pas. ton destin, c'est ça? Mais oui, bah, c'est ça. Ouais. C'est toujours le même Mais de topo. toute façon, ça sent dès le tome 1 où il est super fort, dès qu'il devient Ah ouais. samouraï, on sait pas trop comment. En fait, c'est ça qui fait très étrange, même pour un shonen, c'est on dit que c'est un cliché du shonen, mais ça saute toute l'étape formation, Entraînement, qui ouais. parfois est un peu pénible, un peu répétitive, mais qui au moins fait sens, tandis que là, on a l'impression qu'il est overcheaté dès le début. Donc, bah, j'imagine qu'après, il y aura quand même des étapes de formation, enfin, j'espère, mais ça donne l'impression qu'il est beaucoup trop fort dès le début, et je m'attache rarement à des personnages trop forts, moi. Enfin, puis là, c'est pas l'étape de formation qui est zappée au niveau de la narration, comme par exemple c'est le cas dans Demon Slayer, où on sait qu'il s'entraîne pendant 1 an, mais on le zappe un peu. Là, c'est vraiment d'un coup, il est fort, il n'y a même pas un temps d'entraînement qui nous est pas raconté. C'est vraiment. Et même lui, il se pose pas de questions, quoi, sur le fait qu'il arrive à battre. Bah, et encore Demon Slayer, l'étape de formation a beau être sautée, dans les premiers tomes, il est pas. Oui, mais non, Enfin, il a mais. du mal, quoi, il Ouais. galère. Une fois qu'il est mis face à la pratique, il galère. Mais Alors je me que non, maintenant. souviens aussi, on avait vu un truc avec un jeune en fauteuil roulant qui se retrouvait Ouais. en fait à piloter un corps semi-organique. Arcanum, je crois que c'était. Arcanum, Chez ouais. Kana aussi en 3 Oui, tomes. que j'avais pas lu moi. Et où là c'était finalement mieux traité parce que je veux dire c'était pas il était pas surcheaté, c'est-à-dire qu'en fait il voyait le truc en face, il se disait ah ouais quand même, je vais en chier, je vais avoir un petit peu d'apprentissage. Et où il y avait des enjeux, des vrais risques, et où oui, je veux dire sa condition était importante, le fait qu'il soit en fauteuil roulant, au niveau de son histoire personnelle, c'était plus important. C'est dommage, je pense que ça aurait pu être le point qui aurait rendu ça un peu particulier, parce qu'après des samouraïs dans l'espace, bah c'est pas un shampoo quoi. Oui. En fait. Bah après, enfin, on n'a pas trop dit nos avis généraux, en fait, on a directement. Après, moi Ouais, je trouve vas-y. l'univers pas ignoble. L'univers aurait pu être intéressant s'il était mieux développé, mais pas développé dans le sens où on vous balance plein d'infos dès le début, quoi. Ouais, c'est alors Voilà. bah, pour mon avis général, j'ai pas été fan du style graphique. Et au niveau de l'histoire, outre que c'est ultra rapide, enfin c'est lié, j'ai trouvé ça ultra explicatif. C'est-à-dire le chapitre 1, tous les personnages t'expliquent qui ils sont, Oui, quel est leur métier. c'est ça, Ça gros n'a souci, oui. aucun intérêt à être là, enfin ça ne s'inscrit pas du tout dans la narration globale, et ça donne beaucoup trop d'informations en assez peu de temps. Le souci, c'est qu'en plus, ça raconte rien de particulier, mais ça réussit à nous perdre quand même. Oui, ça, c'est un gros souci, hein, tout le côté explicatif à outrance, clairement, oui. Et puis bon, vu la fin du tome 1, j'ai l'impression que les personnages féminins, ils cherchent même plus à faire semblant qu'ils Non. chiotent. S'en fout. Ouais, non, là, c'est. Mais ouais, enfin, voilà. Les personnages sont pas attachants, un peu énervants même honnêtement. L'univers est pas intéressant et vraiment vraiment vu et revu. Enfin, le fait qu'il y ait 7 trucs à collecter, enfin ça fait Dragon Ball pour Zelda. retrouver un truc caché dans l'univers, on sait pas où. Enfin, c'est vraiment de la redite de plein de trucs. Je trouve pas ça inspiré. Alors moi par contre, ce qui a un peu sauvé la lecture, c'était graphiquement. Moi j'ai bien accroché. Oui, là on est tous les deux d'accord sur ça. Ça c'était assez sympa, C'est pas mais. extraordinaire, mais ça se lit bien visuellement en tout Ouais, cas. moi ouais, j'ai pas enfin. adhéré, mais bon, après ça c'est une histoire de goût. Oui, voilà. Là, vraiment, c'est vraiment des. Enfin, j'ai pas lu Naruto en entier, mais sur les débuts de Naruto, c'était quand même beaucoup mieux fichu, sur plein de trucs. Là, c'est vraiment assez désastreux. Enfin, moi, je trouve vraiment pas de point positif à part le dessin. J'ai vraiment du mal. C'est vrai que c'est étonnant, on dirait que dès le chapitre 1, ils voulaient speeder en se disant que ça allait être annulé. Ouais. Puis ça fait super amateur, enfin, l'ensemble du truc est. La narration est vraiment vraiment mal foutue. En parlant de ça, j'ai lu un peu les Naruto. Naruto, justement, au début, t'avais pas toutes les explications, mais il y avait beaucoup de foreshadowing sur les premiers tomes de Naruto. Et où à la fin, quand tu prends la fin de Shippuden, où là, t'as 15 000 explications, t'as les personnages qui arrivent, tu sais pas d'où ça vient. Mais putain, mais stop! J'ai l'impression qu'il est du coup en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est resté un peu sur la même idée de surexpliquer, de mettre plein de trucs d'un coup. Moi, j'ai rien à ajouter encore. Moi non plus. Non. Je recommande pas, mais après, je recommande rarement les shonen, j'ai Oui, c'est l'impression. pas. Après, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que. Parce qu'on a l'impression que tu dis ça, c'est pas mon genre de prédilection après. Oui, puis je suis Est-ce qu'on comme a ça, lu hein, des mais. très bons shonen dans Ah cette émission, oui. c'est surtout ça, Oui, mais. clairement. shonen, c'est difficilement un genre. Quoi. Non, mais je veux dire, là, ce genre de shonen, un jeune héros débile qui part à l'aventure. Ouais, enfin là, c'est vraiment brouillon, vu et déjà vu, et. Et ouais, ça a très très peu d'intérêt. Et d'ailleurs, c'est un énorme flop commercial et au Japon et à mon avis en France, parce que Kana a à peu près vu le coup en sortant déjà les deux tomes dans un coffret à prix réduit, je crois. Enfin, ou en tout cas avec des bonus. ce qui est. Ben, on fait pas ça normalement quand on sort. Oui, non, mais, les premiers non, mais, on mais... attend un peu pour, tu vois. Enfin, oui, tu moi, sais. Que merci. Non, mais justement. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que échec commercial ne veut pas dire truc de mauvaise qualité. Oui. Comme succès commercial ne veut pas dire chose de bonne qualité. Mais, non, mais. En fait, c'est juste pour ça que évidemment. Ça me crispe un petit peu. Mais, non, quand on dit que c'est un échec commercial, non, donc c'est pas bien. Ça que je dis, mais c'est que le manga a tellement mauvaise réputation, notamment via les réseaux sociaux et tout, que l'échec commercial a été anticipé en France, où il aurait dû très bien se vendre, parce que c'est quand même facile de vendre quelque chose sur la base du fait que c'est l'auteur de Naruto, mais qui avait déjà eu des échos qui ont fait que l'éditeur a pensé que ça se vendrait pas, parce que ça a vraiment, vraiment mauvaise réputation. Un peu comme le film Cats. Bah voilà, c'est pareil. Après, et après, pour le coup, c'est également pareil. Des trucs qui se font saquer sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont bien, ah et oui, vice-versa, mais... c'est un peu monnaie courante. Là, je dis pas... Voilà, je dis que, en l'occurrence, c'est plutôt mauvais. Enfin, en l'occurrence, oui. C'est plutôt assez justifié, quoi. Là, d'accord, mais c'est juste, il faut pas en faire une généralité. Mais j'ai pas fait de généralité. Non, mais parce que tu pointes ça comme une évidence, mais... Bah, non. Si. Je vous laisse vous battre entre vous. Enfin, après ça... Enfin, vraiment pas, mais... Tu verras si c'est intéressant et si tu le coupes ou pas, mais... Comment tu l'as dit, ça m'a semblé être une évidence quand tu l'as sorti. Bah non, je dis juste que voilà, vu que tout le monde dit que c'est de la merde, évidemment ça se vend un peu moins bien. Quoi. Si jamais tout le monde dit que c'est génial, ça va mieux vendre. En général, quand même, ça aide un peu. Donc ça peut, voilà, ça peut jouer. Bah, c'est un facteur comme un autre, mais là en l'occurrence, ça n'a pas aidé. Quoi. C'est tout ? C'est tout. Pour moi, c'est tout. On va pas s'attarder plus sur Samurai 8. Nous allons donc passer au prochain manga de notre sélection, Un Monde Transformé, édité par Ototo, écrit et dessiné par Kanako Meiji. Vous êtes deux autour de la table à l'avoir lu, Issam et Necro. Alors, Un Monde Transformé, ça se passe dans un village... Un monde transformé. Ouais, c'est bon. Dans une galaxie si lointaine, très lointaine. Alors, ils doivent trouver un truc au fond de l'espace. Ça se passe dans un village qui est situé à proximité d'un grand temple... Et on suit principalement deux personnages au début, une petite fille qui, elle, est villageoise, et sa meilleure amie qui est apprentie prêtresse au temple et qui s'échappe régulièrement pour passer un peu de temps avec son amie. Le monde est devenu particulièrement dangereux. En fait, le village est entouré d'une forêt qui est censée appartenir aux dieux, donc les humains peuvent pas trop y aller. Enfin, s'ils y vont, ils risquent des bricoles. Normalement, c'est un peu pour ça qu'il y a le temple qui est censé gérer plus ou moins les rapports à ces créatures fantastiques. Mmh. Et dans ce premier tome, voilà, on a surtout une présentation de l'univers. On sait que l'héroïne, la petite prêtresse, doit devenir une future grande prêtresse de son temple, donc que beaucoup d'espoirs sont basés sur elle, mais qu'il y a visiblement aussi des luttes de pouvoir à son sujet au sein du temple. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Necro, mais il n'y a pas tellement de fil rouge pour le moment, c'est plus une installation de la situation. Avec les différents groupes, notamment là les prêtres qui jouent aux cartes. Il y a un groupe de prêtres qui passe son temps à jouer aux cartes, mais il varie de la durée de vie, en fait. Donc voilà, ça installe un univers, un temple labyrinthique. Et j'ai vraiment bien aimé, moi, l'ambiance. Alors, j'ai bien aimé aussi. Alors, il y a aussi un truc qui est important, c'est que chaque patelin a sa divinité. Ce qui fait que, par exemple, si jamais on a par exemple l'amulette d'une divinité qui est censée nous protéger dans notre patelin à nous, on va dans le patelin d'à côté, elle ne protège que dalle. Mmh. C'est vraiment, c'est les divinités sont liées à des endroits géographiques et les chemins aussi sont protégés par des charmes. S'il suffit de quitter un tout petit peu le chemin, tu te fais exploser par une bestiole, quoi. C'est plus ou moins ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui meurent dans la forêt, justement. Dont tu parlais. Ouais, c'est un peu comme une map Pokémon à ce niveau-là. Ah oui, c'est ça, si on quitte le chemin, c'est mort, hein. C'est un RPG. Visuellement, je trouve ça très sympa. Il y a un côté un peu crayonné par moment, surtout dans les décors. Ça peut déstabiliser un petit peu au début, parce que des fois, on peut dire, oula, c'est... Et finalement, après, le style graphique est assez... on s'attache au personnage, on s'attache au style graphique lié au personnage, au bout d'un moment. Bah, je trouve qu'en fait, il aide à donner une impression de monde... pas en ruine, mais qui peut s'écrouler à tout moment, presque. Oui, puis un peu post-apo, en renaissance. Vu le titre, tu te doutes qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Enfin, un monde transformé, il s'est passé un truc qui a modifié le monde, mais tu sais pas encore exactement quoi. Et tu sens que le temple, il est là pour la protection, mais visiblement, il se passe des trucs pas nets du tout à l'intérieur. Mmh. Il y a des prêtres tueurs, qui peuvent perdre des gens pour les tuer dans des labyrinthes. Et puis, il y a une mort qui est géniale, à un moment, qui passe en juste quelqu'un qui a pris la mauvaise porte au mauvais moment. Ça... Ouais, avec le, bah, justement le, ah, voilà, le côté labyrinthique pour rejoindre la chorale. Oui, c'est génial. À ce niveau-là, c'est génial. C'est, ah bon, bah, pareil, okay. La chorale où ça force les gens à chanter. Bon, il se passe des trucs bizarres dans ce temple. Ouais, ouais, mais je pense qu'il y a plein de trucs justement qui sont liés au monde d'avant et qui restent des secrets qui sont petit à petit dévoilés. Donc là, juste avec le tome 1, c'est difficile de se rendre compte. Ouais, je crois que c'est une série assez courte. 3 tomes. Ah, j'aurais dit ça. Mais ouais. Mais voilà, je pense que la suite explique beaucoup. Ouais. Moi, je trouvais ça vraiment cool pour le coup. C'est pas si souvent qu'on aime du Ototo. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, puis c'est assez feel good. C'est-à-dire, même quand il y a des décès, je veux dire, c'est pas non plus... Je serais pas allé jusque-là, mais c'est mignon, oui. C'est feel good, il y a plein de gens qui meurent bizarrement. Ça peut s'adresser à un public relativement jeune, disons. Ah bon? Défini jeune? Je sais pas, 9-10 ans, je pense. Que c'est... D'accord. Ah, la première créature, elle est assez violente. Ouais, mais ça peut faire un peu horrifique pour des enfants, mais c'est accessible, je trouve. Mmh. Oui, sinon... Je me rappellerai de ne pas te confier mes enfants. Est-ce que vous en avez fini avec un monde transformé? J'ai envie de terminer, voilà. Ouais, moi oui. Ok. On peut passer à la suite. Quand même une lecture du coup que vous recommandez tous les deux. Ouais. Ouais. Nous allons passer à la suite. Le patron est une copine. Écrit et dessiné par Nagabe, à qui l'on doit déjà l'enfant et le maudit, le très bon l'enfant et le maudit. Je pense que on est trois à apprécier beaucoup l'enfant et le maudit autour de cette table. Très bien. Que Necro ne l'a pas lu. C'est édité par Komiku. Pour faire vite, c'est l'histoire de Vincent qui est chef de service dans une entreprise. Et la nuit, il a un hobby, c'est qu'il est travesti dans un bar. Voilà, donc où il travaille le soir. Et donc, on va suivre son quotidien en cours de petites scénettes et le fait qu'il essaye de cacher ce hobby à ses collègues. Voilà, donc... C'est du boys love, parce que Nagabe a fait pas mal de boys love au Japon, et c'est assez cool comme initiative de les publier en France, et assez étonnant de la part de Komiku, qui est un éditeur généraliste. Enfin, personnellement, je m'attendais pas à ce que ça sorte chez eux. Mm-hmm. Première particularité, nous en conviendrons, c'est du Fury. Oui. Ça peut être important. Ça peut être important à préciser. Donc, on aime ou on n'aime pas. Après, si on aime, on peut aller se faire interner. il me semble pas qu'il y ait de scène de sexe explicite. Enfin, c'est donc bon. Enfin, pas juste. J'aurais bien aimé qu'il nique Fury. Voilà, couper celle-là. C'est très compliqué. Oh la vache. Bon. C'est mignon, pas transcendant du tout. Ah oui, non, vraiment, faut vraiment pas s'attendre à quelque chose qui est la hauteur de l'enfant et le maudit, parce que c'est pas du tout, je pense, même les mêmes volontés d'écriture. C'est sympa si on aime le genre. Je trouve que les personnages sont assez attachants, qu'il y a certaines situations assez comiques, que bah, graphiquement c'est assez plaisant sans être autant travaillé que l'enfant et le maudit, encore une fois. Mais voilà, ça sent qu'il a pris du plaisir à le faire. Moi, j'ai trouvé que c'était une lecture divertissante. Après, ouais, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça se tient bien. C'est assez dense, mine de rien. Et voilà. Donc, moi, j'ai plutôt bien aimé. Je recommande, pour peu qu'on ne soit pas hermétique au Fury, parce que ça, je peux vraiment comprendre que ça dérange. Et voilà, si vous cherchez un bon boys love, moi, je le conseille. Bah, moi, ouais, pareil, j'ai passé un plutôt bon moment. C'est fun. J'ai bien aimé la narration très sous forme d'anecdote, parce que c'est des chapitres souvent très courts. Alors, la durée des chapitres est super variable. Et t'en as qui durent 3 pages, et t'en as qui durent une dizaine. Ouais. Je sais pas comment ça s'est passé à la prépublication, mais ça donne un côté anecdote dans l'évolution de l'intrigue. Ça met un moment avant qu'un fil rouge commence à s'installer, et encore il reste tout du long très vague. Bon, bah visuellement c'est Nagabe, donc c'est très beau, même si l'enfant est maudit sera encore un cran au-dessus. Ouais, j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé le personnage attachant, c'est léger, c'est fun. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, ça a pas énormément d'ambition, mais c'est cool. Ouais, puis sinon, au niveau Fury, je veux dire, c'est pas dans le malaise plus, parce que des fois, t'as les esthétiques des fois qui sont vraiment... C'est pas les plus beaux en général. Non, là, mais... voilà, non, mais là, voilà. Là, ça va, quoi. C'est... Et puis, ben, en général, c'est horreur que tu nous as rappelé, ça. Non, ça va. Enfin, c'est pour ça. C'est... Moi, j'avais quelques appréhensions de ce côté-là, mais c'est vraiment bien géré. Donc, Et moi, je me suis ennuyé dessus. Je ne l'ai pas fini. J'ai trouvé ça inintéressant. Je n'ai pas ri une seule fois. Mais je pense que j'ai un problème, globalement, avec, avec l'humour japonais, je sais pas. Ouais. Par exemple, autre manga là, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui tout le monde en dit du bien, et apparemment, c'est très drôle, c'est celui sur la libraire. Ah ouais, j'ai pas lu. Je l'ai feuilleté, j'ai trouvé ça. Libraire jusqu'à l'os. Hein. Ouais, voilà, et à aucun moment je n'ai rigolé en lisant les quelques extraits que j'ai lus. Ouais, tandis que moi je suis assez sensible à l'humour japonais. Vraiment, très aucun sensible. Sourire, j'ai trouvé ça mou, inintéressant au possible. Les personnages, j'en ai absolument rien à foutre de ce qui leur arrive. Donc non, je me suis arrêté en cours de route, non, c'est bon. Très bien, ouais, enfin après, de toute façon, c'est clairement pas pour tout le monde, mais voilà, bon. Ouais, bon après, j'ai vu pas mal de personnes dire qu'ils étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à un truc comme L'Enfant et le Maudit. Enfin, clairement, non, quoi. C'est, non, pas... mais, ça, c'est clairement pas le but. C'est pas... Pas... Tu vois que le titre, c'est Le Patron est une copine. C'est même alors, pas le but. Que ce sera pas L'Enfant et le Maudit. D'ailleurs, le titre est mal foutu. Enfin, ça veut rien dire. Le Patron est une copine. Oui, non, c'est vrai. C'est vraiment mal traduit. Bon. C'était juste pour dire du mal de Komiku, parce que ça fait toujours plaisir. Et voilà. Gratuit. Bon, gratuit, il le cherche, hein, quand même, c'est bon. Gratuit. Après, il y a d'autres trucs sur lesquels tu pourrais dire du mal. Hein. Oui, enfin, le patron ouais, d'une copine, aussi. Ça veut rien dire quand même. Même dans le manga en lui-même. Ah oui, hein. Non, mais voilà. Moi, c'était pas transcendant. Par exemple, ce raccourci que travesti égale homosexuel, bon, on s'en passerait bien des raccourcis comme ça. Il quoi. Peut être travesti et homosexuel. Oui, mais là, t'as l'impression que tous les travestis sont homosexuels. On parle de leur vie amoureuse, ça, je m'en souviens pas du tout. Oui, pareil, ils sont okay. Tous. Bon, après. Il avait peut-être aussi envie d'écrire que des personnes. Enfin, tu vois, il c'est. Après, voilà. Hein. Ça, c'est peut-être aussi lié au fait que c'est un boys love. Ouais. Dans un boys love, régulièrement, t'as l'impression qu'il y a que des homosexuels sur la planète, de manière générale. Enfin, dès l'instant, ouais. C'est oui, un peu un code du genre. Oui, je sais, mais c'est aussi un code du genre que je reproche. Ah oui, voilà, oui, globalement. Oui, non, ouais. Non, mais enfin, après, voilà. Mais je pense pas qu'il soit homosexuel particulièrement parce que c'est dans le milieu travesti, je pense, ou c'est plus parce que c'est un boys love. Oui. Mm. Parce que finalement, tous ses collègues le sont aussi, à part les femmes. Oui. Et du coup, les femmes sont lesbiennes ? Non, elles fantasment aussi sur lui. Ah non, enfin, du coup, il a qu'un seul collègue masculin. Bah, deux, du coup. Enfin, l'autre, ouais, parce que l'autre, c'est pas vraiment un collègue, c'est un mec avec qui on fait des affaires. Ça ouais. Compte aussi. Là. Voilà. Mais voilà. Non, mais moi, vraiment, ça a été un bon moment sympa, moi, agréable. C'est... Donc, du coup, moi, probablement, l'une de mes pires lectures du mois. Ah ouais, wow. Ah oui, non, mais... non. Avec Dragon's Life, là, qu'on va parler tout à l'heure, non. Ok. Aucun intérêt. Ok. Alors, nous allons maintenant aborder Le Boiseleur. Alors, désolé, je n'ai pas la précision sur qui est scénariste et qui est dessinateur, mais c'est par Hubert et Ersan. Voilà. Je n'ai pas non plus leur prénom. Désolé, les gars. Désolé pour vous. Où l'on suit l'histoire de Iliane. Il me semble que c'est ça, ouais. Iliane, un jeune apprenti sculpteur sur bois, donc ébéniste, qui travaille dans une petite ville... une petite ville très chantante, vu que tous les habitants de cette ville sont fascinés par les oiseaux. Ils ont chacun un oiseau en cage chez eux. C'est l'un des grands rêves de notre personnage principal d'en avoir un. Malheureusement, il travaille pour un maître un petit peu radin qui le paye que dalle. En fait, il lui paye seulement pour en mode « Bah écoute, sois déjà content que je te forme, que je te loge et que je te nourris. C'est tout, t'auras pas d'argent. » En gros, c'est un peu les patrons d'Issam. Un petit peu. Un peu. Et donc, bah voilà, on va suivre en fait l'histoire de ce jeune ébéniste dans sa ville qui, du coup, à défaut d'avoir un véritable oiseau en chair et en os, va s'en faire un en bois et en peinture et ça risque de créer des petits changements dans sa ville. On va pas en dire plus parce que ça serait spoilé. Est-ce que ce résumé vous convient, messieurs ? Moi, ça me paraît bien. On est trois à l'avoir lu autour de la table, Necro et Issam. Et donc, moi-même, il me semble que c'est une lecture qu'on a tous les trois pas mal appréciée. Ouais, beaucoup. Si on devait évoquer un point, le premier déjà qui saute aux yeux, c'est les graphismes. Ah oui, ça... On est d'accord, hein. C'est magnifique. Les graphismes sont cool, l'édition est cool aussi. Ouais, c'est une très belle édition. Ça se repère bien. C'est édité par Soleil dans la collection Métamorphose, je l'avais pas dit. Elle est toujours super belle, la collection Métamorphose. Les couleurs sont très très jolies aussi. Puis il y a tout un travail des espèces de volutes de couleurs pour représenter le chant des oiseaux. qui est vachement intéressant, plutôt que de passer par des onomatopées qui auraient été forcément un peu limitées pour évoquer les oiseaux qui n'existent pas dans le monde. Là, c'est vrai que, en fait, pour donner une idée, le son des oiseaux est reproduit comme dans beaucoup de BD où on pourrait reproduire plutôt une odeur, en fait. Une fumée d'encens. Une odeur de nourriture, en général. Là, c'est comme ça qu'est représenté le chant des oiseaux dans la BD. Et des fois par des bulles représentant les oiseaux. En eux-mêmes, oui. Voilà. Et c'est très contemplatif. C'est-à-dire, il y a vraiment des passages où le dessin prend totalement le pas sur les dialogues, où il n'y a plus aucune bulle de dialogue, ou seulement quelques cases de narration. Et puis, pour offrir des pleines pages vraiment magnifiques aux yeux. Ouais, la ville est super crédible. Tu sens vraiment une ville, pas vraiment médiévale, mais tout de même d'inspiration, qui grouille, où il y a plein de monde, où il y a les quartiers pauvres, les quartiers riches, et où le seul point commun, c'est tous ces oiseaux. Bah, et puis au niveau du récit, il y a un côté très conte. Très conte, ouais. Très conte, avec une morale. Du coup, c'est difficile d'en parler sans, bon, si, sans trop en dévoiler, mais on va dire une morale sur les effets de mode et le capitalisme. Et sur l'écologie aussi. Et sur l'écologie, ouais. C'est quand même une œuvre très écolo, vraiment. Et sur l'exploitation des stagiaires. Ouais, aussi, c'est vrai. Il y a tout ça là-dedans. À un moment, ça mentionne les nouveaux CDD de Macron. Oui, parce que oui, forcément. L'homme a tout faire, quoi, il est là. Ouais. Ah ouais, ça se passe bien, hein. C'est une BD quand même pas mal conséquente aussi, hein. Ouais, elle est assez longue. Et apparemment, il y aura une suite, mais le tome 1 se suffit déjà à lui-même. C'est ce que j'allais dire, c'est on a une petite indication de tome 1 sur le côté et sur la cover, mais vous pouvez très bien lire celui-là et ne jamais acheter de tome 2. Enfin, un côté assez mélancolique, je trouve, dans le thème de la disparition qui est évoqué à un certain moment. Puis ouais, il y a vraiment beaucoup, je trouve, les effets du capitalisme, les effets écologiques notamment, c'est super présent, je trouve. Mais du coup, à voir ce que sera exactement le tome 2, parce qu'après, si ça traite du bois et des métiers du bois, ça peut être très vaste. Et donc ça peut proposer des tomes avec des héros et des intrigues totalement différentes. Oui. C'est peut-être pour ça que ce tome 1 se suffit à lui-même. Et puis du personnage récurrent, parce qu'il y a déjà tout un petit univers. Oui, à la limite, ça pourrait se passer dans la même ville, quoi. Bah après, si ça garde le titre Boiseleur... Oui, bah, le Boiseleur, c'est assez précis, quoi. Mais ça, oui, mais ça concerne le bois. Oui, mais sans doute que ça tourne autour du même personnage. Boiseleur, c'est le bois et l'oiseau. Ah oui, oui, effectivement, oui. Oui, j'avais pas fait ce rapprochement. C'est pas celui qui fait les chaises. Mmh. Bon. Moi, c'est clairement l'une de mes lectures du mois. Moi aussi. Pareil. Très, très bon. Puis gros travail aussi pour les oiseaux, justement, pour inventer des oiseaux qui n'existent pas, mais qui ne soient pas trop fantasques. Oui, c'est vrai qu'à aucun moment, on a l'impression que c'est des oiseaux qui sortent de l'imagination ou d'un monde fantasy quelconque. Ouais, voilà, ils font très vrais oiseaux, mais ça n'en est pas. Je pense qu'il a mélangé différentes caractéristiques d'oiseaux qui existent vraiment. Ouais, à un moment, on retrouve un truc qui ressemble à l'oiseau lyre, il y a tout comme ça. Il y a beaucoup de... Beaucoup, c'est tiré vraiment beaucoup d'oiseaux qu'on trouve un peu partout, assez communs finalement. Je pense qu'il y a eu un gros taf à ce niveau-là. Bah comme pour la création de la ville et de la société, quoi, dans laquelle le personnage évolue. Avec cette nouvelle passion des lézards qui arrive au bout d'un moment. Oui. C'est très drôle ce passage-là. Pourquoi pas ? Moi aussi j'aimerais bien avoir mon crocodile domestique. Lézard, c'est pas un crocodile. Ah non. Bref. Lisez Le Boiseleur, c'est très très bien. On va passer, toujours sur du franco-belge, mais cette fois-ci édité par Jungle dans la collection Pépite, donc une nouvelle collection qui va s'adresser à un public plutôt jeune. On va vous parler de Fils de sorcière. Là, on est deux autour de la table à l'avoir lu, Issam et moi-même. Alors, Fils de sorcière, c'est de L'Herménier et Stédo, d'après un roman écrit par Pierre Bottero. Et c'est l'histoire de Jean, un jeune garçon qui doit avoir une douzaine d'années. Ouais, je pense que ça, oui, sa petite sœur doit en avoir 8-9. Ouais, c'est ça. Qui vit dans une famille un peu particulière, parce que sa mère est une sorcière, sa sœur est une sorcière, et en fait, il y a quasiment que des femmes dans sa famille, elles ce sont toutes des sorcières, donc c'est aussi les sœurs de sa mère et sa grand-mère. Son père s'est barré depuis qu'il a quelques années et il n'en a plus de nouvelles, il ne sait pas trop pourquoi il est parti. Mais un jour, il y a un buveur de magie, donc c'est un espèce de monstre au long nez, qui va commencer à s'attaquer aux femmes de sa famille, donc d'abord aux tantes, puis ça va se diriger vers, peu à peu vers la mère, qui va s'attaquer à elle. En fait, il les vide de leur magie et il les transforme en petites poupées. Et donc, Jean va vouloir les sauver avec l'aide de sa petite sœur, qui, elle, a pas plus de 7-8 ans. Qui commence à développer des pouvoirs, mais c'est latent, quoi. Ouais, voilà. Et il va faire appel à la seule personne à qui il peut faire appel, qui soit adulte et qui soit encore en vie, à savoir son père, dont il n'a pas eu de nouvelles depuis une éternité. J'ai trouvé ça très bien, c'est un petit truc fantastique d'aventure pour enfants, donc il y a un côté très léger malgré la menace du buveur de magie. On ne peut pas dire que ce soit horrifique au moindre moment, ça reste toujours très lumineux. Oui, c'est très mignon. Les personnages sont super attachants, que ce soit le Jean, justement, sa petite sœur, qui n'a pas conscience du tout du danger qui la menace, ou même les parents qui apparaissent plus tard et qui, je trouve, ont une relation assez intéressante au niveau de ce que ça dit. La relation entre le père et ses enfants est plutôt touchante. Ouais, elle est plutôt bien traitée dans un truc qui n'est pas si long que ça, au final. Oui, là, par contre, on est sur un format beaucoup plus classique. Ouais. Avec une cinquantaine de pages, peut-être, mais... Ouais, un peu plus quand même, on est sur 60 pages. Bah moi, ça m'a beaucoup fait penser à Sacrée Sorcière ou même à n'importe quel roman jeunesse de Roald Dahl. Ouais, il y a un petit côté Roald Dahl, ouais. Il y a vraiment ce côté un petit peu qui touche à la magie et à la fantaisie, mais dans un monde, dans le monde dans lequel on vit, en fait, dans le monde de la vie de tous les jours. Même justement, le design du buveur de magie peut rappeler certains dessins qui illustraient les Roald Dahl chez Folio. Ouais, dans Les Sacrées Sorcières. Ouais. Avec son donc la créature qui les combat, c'est pas du spoil parce qu'il apparaît sur la couverture, et un espèce d'homme difforme avec un nez qui ressemble à une trompe d'éléphant. Donc ouais, c'est typiquement le genre d'illustration qu'on peut trouver dans un récit de Roald Dahl. Visuellement, c'est très sympa, de toute façon. Ça peut rappeler un peu certains trucs que fait Johann Sperr aussi, je trouve, de loin. Ça a une patte Chat du Rabbin. Hein. Oui. Là, je te rejoins. Ouais, ou je pensais plutôt que je connais mieux, c'est lui qui a fait le petit vampire aussi. Ouais, ah, exact, ouais. Oui. Ah, j'avais tué ça. Ça m'était sorti de la tête, le petit vampire. Que je fais. Après, les deux ont une patte qui s'éloigne pas non plus. Voilà. Vas-y, merci. Vas-y, serre-toi. Donc voilà, Arthur interrompt le podcast. Ça fait, fait un petit fond sonore après. C'est... Voilà. Il dérange tout le monde. Non mais oui, la pâte, c'est super joli. Voilà, monsieur Arthur a terminé, on peut reprendre. Merci. Allez, Arthur. Ah, tu vas couper, c'est triste. Bah non, c'est sympa. Mais ouais, visuellement, même les couleurs, c'est super joli, quoi. Ouais. C'est super joli, c'est pas non plus la BD la plus jolie qu'on a vue, mais elle colle parfaitement au récit qu'elle nous raconte. Ce sera aussi le cas pour l'autre livre Jungle qu'on aura à cette émission. Il y a un petit dossier à la fin sur les sorcières, avec un petit questionnaire, quelques petites infos. Et sur l'auteur du roman d'origine, il me semble. C'est le bon moment peut-être pour amener les enfants à s'intéresser au sujet, vu qu'ils viennent de lire un truc qui, j'espère, leur a plu. Et c'est pareil que pour la collection Métamorphose précédemment, le bouquin en lui-même est très joli. Ouais. C'est vraiment une bonne collection qui s'annonce. Une chouette reco, effectivement. Et on reparlera de cette collection un petit peu plus tard dans l'émission avec un autre de leurs ouvrages. Donc encore un titre qu'on conseille, Issam et moi. On va retourner au manga avec un titre édité par Akata et créé Disney par Keiko Nishi. Avec toi, vous êtes deux autour de la table à l'avoir lu, Issam et Arthur. Avec toi, ça suit... Une famille, donc il y a le plus petit des enfants qui s'appelle Wataru, il y a sa sœur aînée qui s'appelle Mamie, et il y a les deux parents. Donc Mamie n'est pas la grand-mère. Hein, merci Issam pour cet humour extravagant. Et un jour, Wataru, alors qu'il a 5 ans, recueille un chat errant près de chez lui, le ramène à la maison, et on va suivre la vie de cette famille avec à chaque fois des ellipses entre chaque chapitre, entre le chat qui vient d'arriver dans la famille, et le dernier chapitre, le chat a 17 ans, il est vraiment très vieux, il n'en a plus pour très longtemps à vivre. Donc on suit l'évolution de cette famille, les enfants qui grandissent, qui ont leurs problèmes, parce que Wataru notamment, scolairement, c'est vraiment pas le top. On suit la sœur qui, elle, va peu à peu se libérer du carcan familial, sortir du foyer et pas forcément avoir de super bonnes relations avec les parents. Le père, lui, va commencer une relation extra-conjugale, il va commencer à mener une double vie. Voilà, ça suit cette famille, en fait, par petites touches, comme si tu les retrouvais quelques heures, toutes les quelques années. Et je trouve que c'est super bien fait à ce niveau-là, ça arrive à rester... assez léger et assez fluide, alors que finalement c'est super dense au niveau des informations, parce qu'à chaque fois que tu commences un nouveau chapitre, t'as plusieurs années d'informations à rattraper. Donc j'ai vraiment bien adhéré. Je m'attendais à un truc tout mignon, finalement, ça n'est pas tant que ça, parce que bah, justement la vie de la famille est loin d'être très, très lumineuse, on va dire, que les relations sont pas bonnes. Alors c'est en grande partie à cause du père, qui est passablement un connard quand même, notamment avec son fils. Donc il y a des thèmes, voilà, c'est assez dur. Enfin, ça reste dans le côté tranche de vie, tu vas pas avoir de meurtre ou de scène super gore en plein milieu, mais on va dire que c'est de la vie pas forcément joyeuse qui est évoquée. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, si, ça, enfin, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça traite pas mal de problématiques assez matures et difficiles, assez intimes aussi, et que du fait d'une narration qui est vachement maîtrisée, ça le fait bien en suggérant beaucoup de choses, et malgré le fait que ce soit très court, comme tu dis, ça arrive à proposer un récit dense sans que ça fasse trop bourré d'informations et indigeste. Donc ça, c'est vraiment réussi, et ouais, je trouve qu'on s'attache aux personnages, qu'on les apprécie ou pas, mais en tout cas, on s'attache à leur parcours, et une fois qu'on... Enfin, c'est une lecture dense, captivante, plaisante et assez touchante. Je pense que t'es assez d'accord. Oui, oui. Puis graphiquement, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, cette autrice. C'est très beau, alors après je sais pas ce qu'elle a fait d'autre. Alors Keiko Nishi, bon, elle est très connue au Japon, mais en France c'est pas tout à fait la joie. D'abord il y a eu Ameno Kekkon qui était sorti chez Panini et qui s'est fait arrêter après 3 tomes, enfin du Panini quoi, à l'ancienne. Et Voyage au bout de l'été qui était sorti chez Akata, qui était aussi un one shot et qui était aussi très bien, sur l'histoire d'un homme qui écrivait des shoujo et d'une de ses amies qui le motivait à se faire publier. Et donc c'était aussi très très bien, très très différent ceci dit. Mais je pense que si jamais vous avez aimé l'un, il y a moyen que vous aimiez l'autre, parce que c'est les mêmes talents de narration et les mêmes personnages assez complexes et touchants. Moi je recommande vraiment, c'est pas absolument exceptionnel, mais et si jamais ça peut encourager des œuvres de l'autrice plus longues et plus importantes à paraître, bah, c'est aussi une bonne chose, parce que Akata a clairement fait comprendre que la poursuite de la carrière de l'autrice en France allait aussi dépendre des ventes. Ouais, de Swan Shot. Toute la bonne volonté du monde, si ben, ça ne sont pas du tout, ils ne peuvent pas non plus. Oui, faire, c'est pour ça qu'ils demandent à ce que ça. Enfin, ils disaient vraiment que ça leur ferait plaisir que ça se vende, quoi, parce qu'elle est assez importante pour que la publier en France soit important. Je le répète, hein, mais voilà. Non, mais c'est vraiment. Puis c'est vraiment tout super original comme manière de raconter, de raconter l'histoire. Je trouve l'exercice louable et qu'elle s'en sorte aussi bien, c'est. C'est assez impressionnant parce que ouais, tout, ils sont tous attachants. Ça m'a évoqué un peu les films de Richard Linklater, enfin, sur certains aspects. Alors, c'est surtout toi, Chris, qu'on a peut-être vu. Celui qui a fait Boyhood et la trilogie des Before. Et bah, c'est un peu comme un mélange des deux. C'est-à-dire, il y a le côté où on suit les mêmes personnages au fil de la croissance, notamment des enfants comme dans Boyhood. Et comme dans les Before, en fait, on les retrouve une fois toutes les années, enfin, une fois toutes les quelques années, pour quelques heures seulement. Et ça permet de résumer toute leur vie, donc je trouve qu'il y a un rapport au temps qui m'a pas mal touché. Oui, c'est intéressant comme narration. Ouais. Et puis ça rappelle aussi, il y avait un Boys Love, non, qu'on avait lu il y a quelques mois, où on suivait un couple au fil des années, comme ça, en one shot. Life, voilà. Qui était pas trop mal, d'ailleurs. Ouais, qui était plutôt bien aussi. Qui était très sympa, ouais. Bon. Celui-là, c'est un one shot, j'ai pas... Oui, c'est un one shot. Bah, à la fin, le chat, il a 17 ans, donc si tu fais un chat, c'est fini, quoi. Il a 17 ans à la fin, le chat. Drame, ah oui, c'est un chat bien robuste, déjà. Ouais, ah, c'est du bon chat. Ouais. À 17 ans, c'est du bon chat. Hein. À la fin du tome 2, il y a le chat qui a son cerveau qui est conservé dans avec des électrodes. Ah, 17 ans, ouais, c'est du bon minou. Hein. Bon, après, moi, j'aime bien la couverture, mais je sais pas si c'est ce qui aide le plus. Enfin, bon, je sais pas. Disons que la couverture a un côté très mignon qui est peut-être un peu trompeur sur le contenu. Ouais, ça fait très très manga animalier. C'est vraiment enfantin. Et en même temps, le chat est particulièrement moche, donc ça fait pas non plus mignon, tu vois. Enfin, c'est compliqué, je pense. C'est volontaire, hein. C'est pas c'est répété plusieurs fois dans le manga, ce chat est moche. Mais c'est volontaire, mais du coup, j'espère que l'œuvre a quand même réussi à trouver son public, malgré tout, parce que Akata mise beaucoup dessus, donc ce serait bien. Voilà. Et en tout cas, c'est très très bien, donc moi je vous le recommande beaucoup. Et d'accord. Ça aussi, je pense. Ouais, pareil. Merci messieurs de nous avoir parlé de Avec Toi. On va parler d'un sujet un peu plus rigolo, avec des dessins un peu plus rigolos. On va parler d'animaux qui se reproduisent, par Axelot, enfin ils se reproduisent pas avec Axolotl, c'est Axolotl qui nous raconte les histoires du bestiaire extraordinaire. Il n'y a pas que des animaux d'ailleurs. Et ouais, il y a des insectes. Mais non, il y a le champignon. Ah, oui, il y a le champignon, oui, c'est vrai. Le bestiaire extraordinaire, donc, par Patrick Beau, donc Axolotl, connu sur internet comme Axolotl. Des plus belles voix de YouTube. Dessiné par Salch, et non pas Salo, comme le pensait notre camarade Issam. Bah, alors, il a qu'à venir l'écrire. Avec la typo. Donc bah c'est simple, c'est en fait c'est une suite d'anecdotes sur la faune et la flore du coup, puisqu'on nous parle de la champignon à un moment, n'est-ce pas Nécro, et sur leur manière de se reproduire. Et c'est illustré par bah par des petits dessins qui font très caricature, qui font très j'allais dire très fluidiaciel, mais plutôt très psychopathe. Oui. Donc l'Alt Magazine de façon fluidiaciale. J'ai très peu lu Psychopathe. Bah, le dessin se rapproche plus d'un psychopathe, d'un style à la psychopathe que d'un style à la flûte glaciale. Apparemment, Nécro a l'air d'accord avec ça. Ah oui, puis sinon, il y a aussi beaucoup de reproductions parasitiques. Donc des trucs oui. Qui sont vraiment complètement qu'on n'aurait pas imaginé, quoi. Des trucs de films d'horreur. Bah, le ver. Le ver qui va dans les yeux des escargots. D'ailleurs, si vous voyez c'est un petit peu dégueu. Je vous conseille de voir ça en vidéo parce que ça fait le champignon qui prend le contrôle de la fourmi. Oui, la fourmi. Voilà, c'est aucun intérêt en vidéo le champignon avec la fourmi, mais sinon les escargots c'est vraiment impressionnant à voir parce que ça fait vraiment comme si c'était deux sortes de chenilles qui pulsaient à la place des antennes. C'est ultra douloureux. Ah oui, non, mais je vais pas être à la place de l'escargot. Bah, je pense que oui, surtout ce qui lui arrive après, quoi. Il se fait un petit peu bouffer la gueule, quoi. Donc bon, c'est plutôt intéressant. Ouais. Ça arrive plutôt régulièrement à être drôle. Ouais, alors c'est de l'humour assez potache. Hein. Oui, clairement. Voilà, c'est pour ça que ça arrive des fois à être drôle. Ça l'est pas toujours, mais par moments, ça arrive à faire mouche. Mais... Ça parle de la mouche ? Non, ça parle pas de la mouche. Mais le plus important, c'est que ça arrive à apprendre des choses. Ouais. Et au final, c'est surtout ça que le bouquin recherchait, enfin je pense, et j'espère surtout. Bah, c'était ça le but premier. Je pense que ça vise les jeunes ados au niveau des histoires. On va parler de l'édition quand même. Qui est en format à l'italienne. Donc voilà, une édition horizontale. Quel format à l'italienne, notre format à ça. Ouais, puis en plus, il y a un petit côté brillant sur les créatures. Ce schizophrène en série, quoi. Bah, c'est le tour cool. D'Europe. L'édition est très jolie. Tu aimes bien les pastas. L'édition est très jolie, oui. Il faut faire comme s'il n'était pas là. C'est super inquiétant. Okay. Ça fait peur, quand même. C'est hein. Joli, ça brille. Voilà. C'est édité par Delcourt, on l'a pas dit. Oui, oui. C'est de l'humour comme Aldo Macchione, et on faisait de l'humour qui est fin. Et puis sinon, mis à part ça... Bah, c'est le côté apprentissage sous forme d'anecdote, bah, c'est très ce que fait Axolotl. J'adore comment il reprend sa personnalité normale en deux secondes. Non, à peu près tout ce qu'il fait, finalement. Là, t'as l'humour qui se rajoute en plus, alors que c'est vrai qu'Axolotl, c'est pas forcément... Enfin, on l'associe pas forcément à l'humour d'habitude. Oui. Donc t'as ça qui se rajoute en plus, mais sinon, c'est... Il y a un peu le côté anecdote extraordinaire, c'est un peu le Pierre Belmar de la science, Axolotl. Oui. Bah, c'est le Pierre Belmar de YouTube, hein. Oui, c'est ça. Donc c'est très très fun, j'ai trouvé. Je préfère Axolotl quand même. Un Pierre Belmar. Ouais. Mais il y en a un qui est vivant, quoi. Ouais, déjà. Déjà. Ouais, il y en a un qui, en plus, celui qui est plus vivant, et ben, il a fait du téléachat quand même, beaucoup. On peut pas retirer à Pierre Belmar que c'était quand même un bon narrateur. C'était un bon narrateur, voilà. Les histoires extraordinaires, c'était très sympa. On divague un peu, mais bon. Ouais. Mais voilà, là on est quand même... Quelqu'un de compétition au niveau de la voix. C'est dommage qu'il n'y ait pas sa voix dans le livre. Mais ouais. Sinon, au final, c'est tout ce qui est bon. Très bonne édition. Mais globalement, ce qu'il fait en BD, ou tout du moins ce à quoi il participe en BD, c'est chouette avec cela. Parce que même ses plus grands formats sont plutôt cool. Et les gros qui comptent maintenant 4 tomes. Mais celui-là, d'ailleurs, fait partie de la collection. C'est juste qu'il est classé en hors-série. Ouais. Alors, aussi parce que c'est par un seul auteur, tandis que les gros tomes, la série principale, c'est un auteur par histoire. Ouais. Et du coup, ça se trouve, là, le but, c'est vraiment de faire une sorte de petite collection pour enfants, que jeune, pour oui, enfant, jeune ado. Jeune ado plutôt. Pour enfants. On... jeune ado, justement, où il y a tout un tas de réponses à tout un tas de questions qu'on se pose pas spécialement. Ouais, avec à chaque fois une thématique qui nous paraît banale, mais qui nous permet de découvrir des anecdotes. Ça serait à faire, ouais. Et un dessinateur différent à chaque fois. Et en lisant ce genre de bouquin, tu te dis que quand même, très souvent, la nature, c'est pas si bien branlé que ça, en fait. Ouais, bah... C'est pensé pour aller à l'efficace. Voilà, c'est ça. Voilà. On en parle de la vie du dévoreur de langue, quand même, qui doit être la truc, les trucs les pires du monde. Oh, ça va, franchement, je préfère encore être un dévoreur de langue qu'un bourdon, qu'un faux bourdon. Oui. Disons que moi, le dévoreur de langue, non, le, fin, le, non c'est, la, c'est le ton, non, c'est le pouls de la langue. Oui. Lui, au moins, il a une vie. Ouais. Alors que l'autre, il fait rien, et dès qu'il se reproduit, bah, il a les parties qui explosent et il meurt. Si, celui où, pour le coup, j'ai pas fait de recherche, mais je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse, c'est le porc-épic sur comment, dans la nature, on a pu arriver à un animal qui n'a une période de reproduction que de 6 à 12 heures par an. C'est quand même pas très... Enfin, sur le plan pratique, c'est pas top. Surtout qu'en 6 à 12 heures, faut qu'il pisse sur sa campagne, enfin, faut qu'il fasse un sacré nombre de choses. Après, c'est les pandas, c'est pas tellement plus, hein. Les pandas, c'est 48 heures par an. Non, les pandas, ça survit uniquement parce que maintenant, on les maintient. 2 mètres de portée, hein, la piste de porc-épic. Lui, il peut faire de dits. Non, mais ça, c'est extraordinaire. C'est... À quel moment, dans ta parade nuptiale, il y a inclus, tu urines sur ta partenaire? Alors, il y a la parade nuptiale. C'est quand même assez... Bon, il y a celle de tes proches. Ça, à la limite, il y a une manière d'appropriation qui est fréquente dans la nature. Je pense qu'il y a d'autres animaux qui ça implique de l'urine dans le... On n'est pas directement sur l'autre, je sais pas. Je sais pas. Par exemple, ouais, l'humain. Je le fais pas, mais bon. Oh l'horreur. Ceci est mon urine. Ceux qui ont la référence. Hein. Les punaises de lit, c'est bien nul aussi. Ouais. Surtout pour la femelle. Surtout pour la femelle. Mais très souvent, c'est quand même la femelle qui est la plus à plat dans l'histoire. Mis à part la reine des abeilles. La montre religieuse aussi, oui, ça va. S'en tire bien. Tu as aussi certaines araignées, hein, la femelle s'en tire mieux. Bah, même le crabe qui se fait modifier pour s'occuper des œufs. Enfin, non, il y en a plein. Non, des fois, en fait, globalement, il y a deux choix. Soit les animaux eux-mêmes meurent, il y a un des deux qui meurt dans le processus de reproduction. Soit ils tuent un autre animal. Non, encore, tu vois, le porc épic, ça va. C'est juste, il faut pas qu'il loupe sa période de 8 à 12 heures, mais s'il la loupe pas, ça va pour lui, ça devient en fait. Tu vois, il meurt pas au moins. C'est pas faux, ouais. Mais voilà, c'était une lecture très sympathique. Non, mais voilà, ouais. Très bien. Une lecture très sympathique pour les curieux qui veulent en apprendre plus sur la faune et la flore. Ça se présente les étrangetés. De strip avec à chaque fois la présentation de la créature sous son aspect physique et ce qui se passe avec. Bah oui, c'est encore une lecture qu'on peut recommander. Ouais. C'est une lecture sympathique. Effectivement, la couverture est très tôt. Et encore une fois, un beau travail d'édition chez Delcourt. On en a fini avec Le Bestiaire. On va retourner au niveau des mangas. On va vous parler de Goodbye Dragon's Life, édité par Ototo, scénarisé par Hiroaki Nagashima et dessiné par Kurono. Issam va nous en faire un bref pitch. Ça nous raconte l'histoire d'un dragon qui était super puissant, mais qui a finalement été vaincu par les humains. C'est Balot. Ouais, voilà. Mais qui se réincarne en humain lui-même. Il est devenu donc un adulte à peu près normal, un paysan à peu près normal. Mais un jour, il va tomber sur une créature mi-femme, mi-serpent, comme dans... Et remis femme derrière. Comme dans Monster Musume. Dans Monster Musume. Édité par Ototo également. Et ça va commencer à lui révéler sa véritable nature de dragon parce qu'il cache encore des pouvoirs en lui, même s'ils sont pour l'instant affaiblis. Et donc il va partir à l'aventure pour défendre les villages, en fait pour s'occuper des relations avec les créatures fantastiques dans les villages, en gros. C'est pas extraordinaire, mais j'ai pas passé un mauvais moment en le lisant. Je vais pas avoir grand chose à en dire. Graphiquement, pareil, c'est pas extraordinaire, mais je trouve pas ça moche, c'est propre. Vous vous souvenez, quand il y a quelques minutes, on avait dit du bien de Toto, et ben c'est fini. Non, mais c'est... Ouais, en fait, voilà, c'est pas la folie, mais j'ai pas non plus grand chose à reprocher vraiment à ça. Et je l'ai lu vite, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais quand je l'ai lu, j'ai pas passé un mauvais moment. Alors, quant à moi, Je suis d'accord avec Issam, c'est pas laid. Et pour le reste, bah voilà, c'est fini. C'était mon seul argument en faveur de ce manga que je n'ai pas terminé, que je l'ai trouvé inintéressant au possible. Je suis largement moins fait chier là-dedans que dans Samurai Eight à titre perso. Bah, moi, c'est le contraire. Déjà que Samurai Eight, c'était pas fifou, mais au moins j'ai réussi à lire les deux tomes. Là, je n'ai pas réussi à terminer celui-là. Peut-être aussi que je commence à en avoir marre des histoires de résurrection, de j'étais une grande créature mythologique et je me réincarne dans un humain tout faible. Oui. Oh mon dieu, je meurs et je me réincarne dans un autre univers. Ça commence à me gonfler. Une prêtresse de 7 ans voilà. Qui a tous les pouvoirs du monde. toutes ces histoires-là commencent à me... japonais, j'ai l'impression que ça tourne toujours autour des mêmes trucs en ce moment. Voilà. Bon, bah, c'est un peu agaçant après. Bah. C'est les codes qui me déplaisent moins que ceux de Samurai 8, donc je les tolère mieux, j'imagine, il y a de ça. Après, j'irai pas jusqu'à le recommander, mais ouais, j'ai pas passé un mauvais moment. D'accord. Moi, j'ai rien d'autre à dire que non, merci. C'est en cours avec 3 tomes et depuis 2015, donc la publication est relativement lente. D'accord. Et le tome 2 sort à la fin de ce mois-ci. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à en dire. C'était bien la peine de perdre du temps. Nous allons passer chez Taifu dans la collection Yuri avec Octave. C'est écrit et dessiné par Haru Akiyama. Vous êtes deux autour de la table à l'avoir lu, Issam et Arthur. Mm-hmm. Donc je vais faire le résumé. Alors, c'est un Yuri fini en 6 volumes. Est publié en 2008 au Japon, donc c'est pas tout récent, et à mon avis ça témoigne un peu plus déjà d'une vraie volonté éditoriale de publier, parce que c'est pas forcément un choix évident de se tourner vers une série finie depuis 10 ans. Ça a 10 ans ? Bah ouais, ça a commencé en 2008, Donc 10 ans passés, ouais. Et donc on suit Yukino, qui est une ancienne idole dont le groupe a un peu dépéri et qui du coup retourne à la vie normale. Je crois qu'elle est lycéenne, hein, oui. Ouais. Elle se trouve dans une période de reconversion un peu compliquée, où elle continue d'essayer de travailler un peu dans le milieu, mais où ça va pas fort, parce que sa carrière s'effondre quand même un peu, que du coup ça lui a fait une réputation compliquée. Parce que tous ses camarades de classe la harcèlent clairement, même si c'est pas vraiment au cœur du récit, en disant que de toute façon, pour réussir à faire quoi que ce soit, elle a dû coucher, etc. Donc c'est compliqué, et en parallèle de ça, elle va faire la rencontre dans une laverie d'une jeune femme qui a, elle aussi, été une star dans le milieu de la musique avant, et qui ne l'est plus, vraiment, même si elle continue à écrire des chansons, mais elle n'est pas du tout connue, et voilà. Et donc elles vont se rapprocher petit à petit, se découvrir et tomber amoureuses l'une de l'autre. Voilà, en gros, pour le résumer. Ouais, sachant que la fille qui travaille dans la laverie a pas le même rapport à la carrière, parce que même si elle est pas connue, elle fait un minimum ce qu'elle aime, elle arrive un minimum à réaliser ses ambitions artistiques, tandis que l'héroïne, elle, vraiment, ça a été, ça a été l'idole de base, quoi, qui fait ce qu'on lui dit de faire... et qui pour le coup n'a même pas de succès en plus. Ouais. Alors moi c'est une plutôt bonne surprise. Le premier chapitre en effet que toi t'as lu Chris aussi. J'ai lu le premier chapitre. Et plutôt classique, mais plutôt petit plat. À petit ça met en place déjà un couple de personnages très intéressant avec des scènes d'introspection très bien faites. Donc l'héroïne est très attachante. Et aussi des problématiques sociales très intéressantes, je trouve, au niveau du traitement des idoles, de la pornographie, du sexisme, du corps féminin, de l'homosexualité. Je trouve ça plutôt très intéressant, la manière dont c'est présenté. Oui, je trouve qu'il y a des trucs intéressants qui sont posés. Après, peut-être quelques soucis narratifs, même au-delà du tome 1, qui font que je trouve que ça a du mal à avoir une totale cohésion ensemble. Moi, j'aime beaucoup graphiquement le style, je trouve ça très mignon. Il n'y a pas tellement de scènes de sexe dans tome 1, je crois qu'il y en a quelques-unes. Peut-être deux. Pour le coup, il y a de la nudité complète, je crois, mais elles ne sont pas non plus ultra insistantes. Pas du fan service. Au moment de lisant, ça pourrait être mieux, mais ça peut s'améliorer en fait au sein de la série. Je pense qu'il y a moyen que les tomes suivants deviennent supérieurs, justement parce qu'effectivement, ça pose des personnages qui commencent à devenir assez attachants. Mm. Ouais, voilà. Donc, vraiment bien et de mieux en mieux au fil des chapitres. Mmh. Désolé. Toi, t'as lu le premier chapitre et ça t'a pas plus... Ah, c'est surtout par manque de temps que j'ai pas lu la suite, mais parce que le premier chapitre était était sympa, mais sans être extraordinaire. Et du coup, bah, je me suis concentré sur d'autres lectures à ce moment-là. Ouais. Voilà. C'est pas du dégoût. On va retourner dans de la BD franco-belge avec un gros pavé, donc que je n'ai pas lu. Vous êtes deux autour de la table à l'avoir lu. Il s'agit du Serpent et la Lance, écrit et dessiné par Hub. J'imagine que c'est un nom de scène. Ça serait très bizarre de s'appeler comme ça sinon. Vous êtes deux à l'avoir lu, comme j'ai dit, Necro et Issam. C'est du jeu par deux coups. Ça se passe dans l'Empire Aztèque en 1454, précisément dans la cité de Tenochtitlan, dans laquelle il y a des meurtres qui sont constatés, des meurtres assez glauques, puisqu'en fait il y a des victimes qui sont retrouvées plus ou moins momifiées. Et c'est une manière de tuer les gens qui rappelle un des cultes de la cité. Et bah, du coup, il va y avoir plusieurs enquêtes qui vont être menées simultanément. Une qui est confiée au serpent, qui est plutôt l'agent du pouvoir, qui est chargé d'essayer d'étouffer l'affaire pour pas qu'il y ait le chaos dans la ville si jamais ça ressortait au grand jour, pour pas qu'on voit que c'est le désordre dans la ville et que ça risque de bouleverser le pouvoir en place. Mmh. Et à côté de ça, il y a un prêtre qui s'appelle Kozatl, qui est prêtre du culte justement qui est repris dans ses exécutions, qui va faire appel à son ami Œil Lance pour qu'il enquête lui aussi discrètement sur et qu'il montre qu'il n'y a pas de lien réel entre les meurtres et le culte. Sauf que Œil Lance, il est très réticent à l'idée de mener l'enquête, il l'est encore plus quand il n'aime pas la ville, et il l'est encore plus quand il apprend que Serpent, qui est son ancien rival lors de leur formation, est lui aussi sur le coup. Et effectivement, les méthodes de Serpent sont, on va dire, qu'il pourrait être à la BAC. Voilà. Au niveau de l'histoire, voilà, on peut résumer comme ça, mais c'est très très dense, parce que ça introduit beaucoup d'éléments sur les cultes et sur la culture aztèque en général. Donc c'est parfois, on a beaucoup d'informations qui nous sont données en peu de temps, surtout que ça nous présente aussi beaucoup les personnages. Donc c'est une grosse BD, ça fait 180 pages, et pourtant il y a vraiment masse d'informations tout le temps. Mmh. Donc c'est clairement pas le truc que tu lis en 5 minutes, en 2-2. Mais j'ai trouvé ça vachement bien parce que, mine de rien, tout en donnant beaucoup d'infos, tout en étant parfois difficile à suivre, notamment à cause des noms aztèques auxquels on n'est pas habitué, donc qu'on peut avoir du mal à retenir, ça reste, je trouve, très fluide au niveau de la narration. Mm-hmm. Ça procède pas mal par flashback sur Œil Lance, qui est plus ou moins le héros, et sur sa jeunesse, sur sa formation, parce que lui aussi, il semble plus ou moins avoir des pouvoirs particuliers, être... d'après certaines prêtresses et prêtres, béni des dieux, ou du moins qu'on lui a, ou maudit des dieux. Donc il y a tout ça qui se mélange dans un tome 1 qui sert surtout à installer la situation pour soi. À la fin du tome, finalement, l'enquête commence tout juste. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, mais il y a vraiment énormément de trucs à poser, donc c'est vraiment, t'as pas l'impression que ça traîne, je trouve. Graphiquement, j'ai trouvé ça super beau. Assez sombre, parce que beaucoup de scènes se passent de nuit, donc il y a beaucoup de scènes d'extérieur. Plutôt sombre, avec des couleurs très ternes, beaucoup de notes de bleu. Et même dans les scènes d'intérieur, où c'est les éclairages à la bougie, ça reste pas super lumineux. Moi, c'est un des petits coups de cœur du mois. J'ai vraiment passé un super bon moment en le lisant. Et l'univers posé est vachement riche. Alors, très beau, très riche. Quelques moments un peu fantastiques aussi. Oui, bah, tout ce qui est folklore. Mais alors, les noms, pour moi, ça a été une vraie difficulté de lecture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de toc que j'ai, c'est que j'aime bien retenir à peu près le nom des personnages principaux. Et là, j'arrive sur un nom dont j'arrive pas à retenir les trois premières syllabes. Et là, c'est le bordel parce que j'avance de deux pages. Et là, je dois retourner en arrière en me disant, merde, il s'appelait comment déjà, lui? Et là, je tombe sur un personnage, je sais pas si je l'ai vu ou pas, mais il y a son nom qui est affiché. Je veux dire, putain, c'était qui dans l'histoire? Et là, c'est fini. À partir de là, je suis revenu plusieurs fois en arrière sur le livre. De façon catastrophique. J'en ai chié pour avancer. Donc, chez ceux qui ont le même souci que moi sur la lecture, ça peut être vraiment très, très difficile. Mmh. À côté de ça, c'est très sympa. Après, les noms, il y en a beaucoup qui ont des surnoms, genre une lance ou serpent. Oui, heureusement. C'est ce qui est... En fait, la majorité des mots aztèques, c'est les titres des prêtres et compagnie, les noms de villes, les statues, les insultes aussi sont beaucoup en aztèque. D'accord. C'est assez sympa. je pense qu'il y a eu un énorme travail de recherche. Après, je ne suis pas historien de la culture aztèque, donc la fidélité, c'est peut-être pas fidèle du tout, j'en sais rien. Du coup, tu as des nouvelles insultes pour balancer à tes voisins? Je les ai pas retenues, sincèrement. Mais ouais. Moi, ça n'a pas posé problème pour le coup, ce coup des noms. De toute façon, je ne retiens pas les noms dans l'ensemble. Donc... Alors, sinon, j'ai apprécié au niveau colorisation et tout ça qu'il y ait la volonté de garder la pénombre. Oui. C'est un truc qui peut être important. Et souvent, on a tendance à faire juste oh, ben, le ciel, on va le mettre en bleu marine, et puis tous les personnages, on les voit bien. Non, non, c'est. La pénombre bien représentée, ça permet des très bons contrastes, justement, dans les scènes de nuit en extérieur, ou par exemple, là, les éclairages qui rendent beaucoup mieux. Si tout le reste est effacé. Alors, c'est Lee qui a fait du couleur, et il y a l'aide d'Emmanuel Michalak pour le storyboard. D'accord. Merci, Emmanuel. Merci, messieurs, de nous avoir parlé du Serpent et de la Lance. Donc, c'est édité par Delcourt. Je ne sais pas si on m'a entendu le dire tout à l'heure. On va rester dans de la bande dessinée franco-belge pour vous parler cette fois-ci de West Legend, édité par Soleil, écrit par... Perru, dessiné par Le Rousseau, et aux couleurs J. Nanjan. C'est rigolo parce que le serpent et la lance aussi, c'est avec le Perru. Oh la vache. Et ça parle aussi d'une enquête avec Lien et Chevel. Coïncidence. Il y a des chevaux aussi, je pense qu'il y en a aussi chez les. J'ai pas souvenir, mais peut-être. Je crois que ça avait été un. Ah bah il devait en avoir quand même. Peut-être d'autres animaux. Ça avait été importé par les Européens, les chevaux. Il y avait pas, je pense qu'ils avaient d'autres animaux. Il n'y a pas de chevaux. Très bien. Donc, West Legend, pour faire un pitch rapide, déjà, ça sera une série... merde, comment ça s'appelle ? Anthologique. Ce sera une série anthologique où chaque tome proposera une histoire centrée sur un personnage légendaire de cette époque qu'a connu l'Amérique, donc, c'est-à-dire le Western. Ce premier tome se concentre sur Wyon Earp. Il se rend à San Francisco où il apprend le décès d'un de ses anciens amis. Et on va dire qu'il n'est pas décédé de mort très naturelle. Hein, il est mort tabassé par un supposé serial killer. Et Wayne Earp va donc mener l'enquête pour trouver qui a fait ça à son ami. Alors pour ceux qui ont joué à Oblivion, il y en a quelques-uns, ça fait un peu penser à la mort de Lucien Lachance. C'était pas pendu, tabassé à mort, brûlé aussi. Brûlé aussi, ouais. Mais là aussi, je retrouve ça. Donc, il a plus de visage dans mes souvenirs. Son ami. Il ne ressemble plus à grand chose, effectivement. Ouais. Visuellement, c'est très beau. Les couleurs, le dessin, bon, très beau. Le dessin est quand même assez classique pour du franco-belge. Ouais, mais c'est. Voilà, c'est qu'en fait, le style western, ça demande quand même un bon coup de patte pour faire quelque chose. Et là, c'est bien géré. Et c'est surtout bien retranscrit. Puis même les décors un peu victoriens et tout ça, parce qu'on trouve justement des décors très travaillés en intérieur, sont assez bien rendus. L'ambiance western, ouais, est bien rendue, bien retranscrit. Les personnages sont intéressants, l'enquête en elle-même aussi est intéressante. Elle accroche plutôt bien. Bah, on arrive sur une enquête façon police scientifique, plus ou moins. Vraiment avec une enquête sur place pour voir... revenir sur la scène du crime, retester les trucs... Oui, il y a un moment où il reproduit l'assassinat voilà. Ailleurs. Chose qui se faisait pas tellement à l'époque, quoi. C'est. Alors ça, mais je pense pas que ce soit un passage réel de la vie de Wyatt Earp. Ça se situe après tout le passage à Ok Corral. Ouais. Qui est très évoqué. Ok Corral, qui est très évoqué. Ouais, bah, c'est évoqué. Le grand truc qu'on connaît de Wyatt Earp, parce qu'il a construit sa légende. De justicier sanguinaire. Mais oui, je pense que tout est brodé autour de ça. De toute façon, c'est simple. Pratiquement tous les personnages importants de cette période-là, que ce soit des brigands ou que ce soit des représentants de la loi ou de la justice, avaient une vie extrêmement romancée dans les textes qui en parlaient. Donc du coup, c'est difficile des fois d'avoir la vérité. C'est très dense, encore une fois, au niveau du contenu. Il y a beaucoup de textes, l'enquête avance assez vite. Il y a quand même pas mal d'éléments différents qui nous sont présentés et de personnages. Il y a pas mal d'actions. Pas mal d'actions aussi, ouais. Okay. Les scènes d'action sont chouettes. Donc. Ouais, ce que j'allais dire, les scènes d'action sont vraiment bien dynamiques. Notamment la scène où il se fait attaquer dans la ruelle. Ouais, je la trouve vachement bien. Oui, où il poursuit l'assassin présumé. Ouais, puis il est rendu même au niveau. La lumière, les ombres et tout ça sont assez bien foutus. J'aime bien les cités reconstituées comme ça. dans le ciel et on se rend compte qu'il y avait des bâtisses qui faisaient très modernes déjà dans cette période-là. Mmh. Oui, bah, ça se passe un peu après la période à laquelle on est habitué dans les westerns. Voilà. Oui, là on commence à arriver vraiment vers l'âge moderne. Là. Bah, là, on d'habitude, les westerns se passent période guerre de sécession ou juste après. Mmh. Là, on est quand même plus tard. Alors que là, on commence vraiment à approcher les temps modernes. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que du coup, tu retrouves des immeubles avec figures répétées ou des trucs comme ça qu'on est habitué de voir aujourd'hui, mais qui ça nous fait bizarre de le voir avec un cow-boy devant avec son flingue. Quoi. Oui. Sauf peut-être dans le Texas où c'est encore normal. Mais... Et puis l'un des autres gros bons points, bah, c'est tout simplement le format anthologique qui propose du coup un tome en one shot avec une seule histoire qui a un début, un milieu et une fin. Ce sera Billy the Kid, le deuxième, c'est ça, non ? C'est ça, Billy the Kid. Ouais. Mais Soleil est habitué à ce format-là. Soleil propose pas mal de collections de façon série anthologique comme ça. Ils éditent notamment Elfes, Nains, les Druides, Android. Pareil, à chaque fois, c'est un tome, une histoire. Et en général, c'est plutôt des bonnes séries. Et pas mal d'autres éditeurs commencent maintenant à prendre ce format-là. Bon, c'est plutôt sympa, là. Surtout si les auteurs changent à chaque fois. Ça permet à des gens de se faire un peu la patte. De ce que je vois, ça ne sera pas les mêmes auteurs pour le tome 2. Ouais. Donc voilà. C'est plutôt bien, ouais. Ouais, donc ouais, très sympa. Clairement un titre qu'on peut recommander, même si on n'apprécie pas forcément le style du western, parce qu'au final, oui, c'est... Que, bah, c'est pas les codes inhérents au western, c'est vraiment une enquête comme on pourrait avoir. Ça pourrait être Londres avec un enquêteur londonien, ça passerait crème. Mmh. Ouais, avec tout de même le thème de la violence inhérente à cet univers, la vision de la justice dans cet univers, qui collerait pas forcément si on déplaçait à Londres, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que voilà, le côté dangereux des rues embaumées de Londres, des trucs comme ça, enfin les ruelles embaumées de Londres, ouais. Ça, tu peux retrouver à peu près les mêmes types de choses. Donc ouais, non, c'est... Bon, moi j'ai bien aimé. Moi aussi. Ouais, pareil. Une lecture qu'on recommande encore une fois. Très chouette moment, ouais. West Legend. Je serais curieux de voir justement si les autres vont continuer sur le mode enquête ou si justement ça va aussi profiter du décor western mais développer d'autres types d'histoires. Oui, genre faire plus de l'action, de l'aventure. Ouais, c'est ça. Ah, ou alors même du western beaucoup plus classique, le plan western. Ouais. Il y a d'autres là qui sont teasés pour la suite. Oui, donc les prochains tomes. Offrirait Billy the Kid, Sitting Bull, Buffalo Bill, Butch Cassidy ou encore Will Bill Hickok. Trois petits points, donc ça risque d'être, si ça se vend bien, j'imagine aussi, sous réserve de succès, plutôt long. Puisque des légendes de l'Ouest, il y en a un bon petit paquet. Oui. Clint Eastwood. Sergio Leone, Marty McFly. Lucky Luke. Les Dalton, Antoine Plan. Les Dalton, en plus, pour le coup, oui. Oui, oui, c'est vrai que ça pourrait. C'est vrai qu'ils ont existé. Oui. Errant en plan. Ouais, Tintin. Je suis pas sûr. De Trump. Oh non. Hein non, lui. Oui, là, Soleil, Delcourt et Soleil sont bien. Ils sont plutôt bien gérés ce mois-ci. Là. Enfin, ce mois-ci. Ça leur arrive des fois. Bah. Les salauds. Delcourt, on a rarement été dessus, c'est Delcourt Tonkam le problème. Ah oui, Delcourt Tonkam. Non, mais voilà. Après, tu peux dire pareil pour Soleil, hein. C'est Soleil Manga le problème. Souvent, les BD, ça va. Bon, ils ont quand même pas mal de BD style fantasy avec des meufs à gros nichons partout. C'est vrai. Ils ont des trucs racoleurs, hein, Soleil BD aussi. Hein. Oui, aussi, oui. Mais là, je crois qu'ils sont en train de revoir un peu la ligne. Ils sont en train de revoir un petit peu, j'ai l'impression. Pour les mangas, oui, ouais. Nous allons maintenant passer à de la BD italienne cette fois-ci. Édité... Et ça s'appelle Le Dio Vagabond de Fabrizio Dori. C'est édité par Sabaccone. Oh putain, il est horrible. C'est même pas un bon accent italien en plus. Non, je suis d'accord. Dans 2 minutes, tu vas dire il est encore pire que mon accent allemand. Oh putain. Donc, c'est l'histoire d'Eustis, un vagabond qui passe ses journées à faire de la pseudo-divination en se défonçant. Ça commence bien. Mais... C'est un ancien de la cour de Dionysos, mais suite à une connerie qu'il a faite, il a perdu une bonne partie de ses pouvoirs de satyre et ses cornes, donc il est devenu une sorte d'humain supérieur quand même. Il va un jour recevoir une mission de Hécate, la reine des spectres, qui va lui donner l'occasion de regagner son statut de satyre complet. s'il réussit à réaliser le rêve de... Alors, j'ai oublié son nom. Moi non plus, mais... D'accord. Enfin, de la déesse de la lune. Ouais, de la déesse de la lune. Et le rêve de la déesse de la lune, Sélénée, de la pleine lune, plus précisément, c'est que son frère Pan soit libéré des enfers pour qu'elle puisse le taper. Voilà. Donc, son but, c'est d'aller libérer Pan des enfers pour qu'il puisse... Se la fourrer. Niquer sa sœur. D'accord. Tout se passe bien. Niquer c'est la lune. Niquer la lune, donc. La mythologie, c'est... Niquer la lune, ça ne me fait pas... Pardon. J'ai demandé à la lune. Ouais. Bref, il va partir donc en mission avec un vieux professeur curieux de découvrir un peu le monde des dieux, le monde des morts. Et de niquer des lunes. Et à... Parti avec son caméscope. Et avec un fantôme dont on découvre que c'est le fantôme, un fantôme qui aurait dû être un grand héros grec, mais il avait une rage de dents le jour du combat, du coup, il n'est pas devenu un grand héros. C'est ballot. Pendant que tous ses copains se faisaient tuer et devenaient légendaires. Donc on suit ces trois personnages, c'est une errance donc, dans un monde mythologique, monde des morts, ça mélange différents trucs... Enfin, ça fait un peu monde mythologique, mais vu à travers le regard d'un Rodrovski, quoi. Ça peut faire penser un peu à ça. Un truc sous coque, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Sinon, c'est un aspect road movie, c'est des séquences qui font 15-20 pages à chaque fois, des étapes du voyage où il rencontre à chaque fois une nouvelle personne, un nouveau lieu, un nouveau danger ou un nouvel allié potentiel. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans et j'ai du mal avec le dessin des visages, en fait. J'aime pas du tout les visages tels qu'ils ont représenté. Ta gueule. Sinon, au niveau décor, au niveau ambiance, il y a un vrai boulot qui est effectué, justement, avec cette ambiance qui paraît toujours un peu décalée, un peu surréaliste. Il y a des décors qui sont vraiment magnifiques. Il y a un décor de Fête foraine que je trouve super chouette vers la fin. Et il y a des idées que j'ai trouvées très drôles, notamment Arès, le dieu de la guerre, qui est un espèce de gros redneck, ça m'a bien fait marrer. Globalement, voilà, c'est assez comique, avec plein d'idées visuelles, donc c'est dommage que les visages ne me plaisent pas, parce que sinon, visuellement, tout le reste est plutôt sympa, et la colorisation est super belle aussi. C'est pas un coup de cœur, mais c'est très chouette. Bon. Mais j'ai eu du mal à rentrer dedans, et je t'emmerde. Non, mais c'est déjà beaucoup plus positif que parce que à la base... Tu m'as dit que t'aimais pas trop le début. Enfin, du coup, voilà. Oui, le début, j'ai vraiment. C'est bien, quoi, ça a bien changé. Enfin, je trouve qu'il y a. Je sais pas, le début, j'ai eu du mal. Ok. Ouais, toute l'exposition du début. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé dès le début. Déjà, moi, graphiquement, visage compris, je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très beau. L'auteur, avant, il travaillait dans la peinture, donc ça se ressent aussi beaucoup, tant au niveau de la colorisation, enfin, il y a un côté très texturé. Où on sent qu'il y a pas mal de travail manuel, et aussi dans certaines références à Van Gogh, je crois, notamment, oui. Qui apparaît à un moment de manière assez originale, d'ailleurs. Dont on dit qu'il a peint certaines de ses toiles parce qu'il a échangé ses yeux avec justement le satyre, et que donc il a vu le monde tel que le voient les divinités. Donc voilà, enfin, moi je trouve vraiment que c'est... une très belle histoire avec de très bons personnages, qui a aussi beaucoup d'amour pour son média, beaucoup de passion pour la mythologie, que ça s'insère très bien dans le récit, que c'est très captivant, que c'est très plaisant. Donc voilà, c'est tant graphiquement que narrativement qu'au niveau des personnages, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Le design aussi des fandoms, je trouve, est vraiment bien, bien réussi. Bah, des créatures fantastiques en général. Ouais, voilà, enfin, c'est vraiment, vraiment top. Moi, c'est mon coup de cœur du mois, je pense. Il y a des trucs qui arrivent à être assez profonds aussi. Ouais, je trouve que les dialogues sont très bien écrits, que c'est très poétique, très drôle aussi parfois. Oui. Donc voilà, Je sais pas si t'as vu le Satyricon de Fellini. Non. Je trouve qu'il y a un peu la même ambiance avec une mythologie traitée sur un mode un peu surréaliste, limite théâtral, sous forme d'anecdote qui, des fois, t'as l'impression que la cohérence, c'est pas le souci premier. Et pas mal d'humour assez imprévisible régulièrement. Donc, ouais, c'est vraiment très bien. Ouais, voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et il a sorti une autre BD qui est sur Gauguin entièrement, donc c'est aussi intéressant. Son style graphique a l'air assez différent là, de ce que je peux voir. Donc, C'est vraiment une biographie de Gauguin ? Non, j'imagine que c'est aussi assez romancé, enfin quoique, je sais pas. Ils mettent redécouverte de la période phare d'un géant de la peinture, Gauguin à Tahiti. Donc c'est sur son voyage à Tahiti. D'accord, oui, donc oui, on n'en sait pas grand chose. On n'en sait pas grand chose, mais donc moi je pense que je la lirai. Et voilà. Alors, celui qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est le Sphinx. En fait, le Sphinx, il dit toujours, tu lui poses une question, il va toujours te répondre la vérité. Par contre, il répond une vérité qui n'a rien à voir avec ta question. Ouais. Il y a plein de bonnes idées. Ça réemploie bien la mythologie grecque de manière pas forcément évidente, parce que c'est vrai que quand on s'attaque à un sujet aussi topique ou à un objet littéraire aussi topique, ça peut vite être assez redondant. Et là, je trouve que voilà, ça arrive à surprendre, comme tu dis, et c'est tout en faisant appel à d'autres cultures, parce que aussi tout le côté tarot qui est pas mal présent. Donc voilà, c'est vraiment bien, dense, beau, super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ok, retournons au manga, chez un éditeur qu'on a souvent évoqué dans ce podcast depuis sa création, c'est-à-dire Vega. Et on va vous parler de Zozo Zombie, écrit et dessiné par Yasunabi Nagatoshi. Deux tomes sont sortis en même temps. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon à qui on a dit qu'il y avait des zombies dans le parc, vers chez lui, qui s'est dit, ils se foutent de notre gueule, qui est rentré dans le parc et qui est effectivement tombé sur un zombie qui ne le lâche plus après ça. Ah, c'est un squatter, le zombie. Hein, c'est... Ah oui, non, mais c'est une plaie. Qui le suit partout et qui, contre toute attente, n'est pas si agressif que ça. Est juste extrêmement collant. C'est celui, vous l'invitez à passer une nuit, il reste 2 ans chez vous. Quoi. C'est celui-là. C'est le pote que t'invites chez toi et vide ton congélo. Quoi. Alors, on est dans l'humour absurde. Oui. Le zombie peut se mettre en pièces détachées comme il veut, il a des pouvoirs selon les besoins. On est surtout sur un manga destiné au jeune public. Voilà, destiné à un très jeune public, je dirais très jeune même. Mais c'est vraiment, vraiment du lecteur enfantin, 5 ans, à partir de 5 ans, je dirais. Bah, faut quand même savoir lire, quoi. C'est ça. 6 ans. Dessin simple mais efficace, des fois un peu léger quand même. Et je vais avoir du mal à en parler sans comparer ça à un autre truc d'humour absurde, Dr. Slump. Ah. On retrouve le même type d'humour absurde et je trouvais ça beaucoup plus fin et beaucoup mieux dessiné dans Dr. Slump et tout à fait le même type d'âge ciblé. Donc, Là, j'avais pas fait du tout le rapprochement de mon côté. J'ai pas vraiment lu Dr. Slump. Je les ai lus, c'est pour ça. Du coup, là, je suis tombé là-dessus, je me suis dit, je connais. Je connais ce type d'humour. Et on retrouve vraiment le même type d'humour. Hein. C'est pas. Moi, ça m'a fait rire. Alors, c'est un rythme qui est un peu épuisant parce que c'est du gag perpétuellement. T'as limite un gag par page. Ça passe ton temps à crier et à courir. Donc, c'est compliqué à lire d'une traite. C'est vraiment hystérique. Ouais. Après, j'ai trouvé ça fun. C'est plein de bonnes idées qui sont jamais hyper développées. C'est juste pour le gag. Le zombie, il peut faire tout et n'importe quoi. C'est pas exceptionnel, mais je pense que je pense ça principalement parce que je suis pas du tout le public visé, mais je trouve ça chouette. Ouais. C'est pour les ptios. Ouais, c'est ça. Je rejoins Issa, hein. Visuellement c'est plutôt mignon, c'est un zombie mais rien n'est gore, rien n'est effrayant. Et voilà, c'est clairement pour un public enfantin. Clairement je pense que j'aurais 6 ans, j'aimerais bien. Voilà. Voilà, donc l'enfant qui tiendra sa main vers « Ah, zombie !» et tout, qui sera tout content, vous pourrez lui offrir, il n'y a pas de problème, pas choqué, ça ira. Et enfin, pour l'instant, sur les deux premiers tomes, il n'y a pas de fil rouge. Non, ça peut être lu comme ça, contrairement à Dr. Slump, où là, il y a un fil rouge au bout d'un moment qui se dessine. Enfin, il y en a plus que dans Zozo Zombie, en tout cas. Mais à côté de ça, Dr. Slump, tu peux prendre une partie de l'histoire, ça te fait comme si c'était un one-shot. C'est un double découpage, Dr. Slump. Et donc voilà, c'est mignonnet, c'est sympathique. C'est pour les ptios, et mine de rien, les mangas à destination des enfants, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Non. Ah, ou alors c'est avec des ours pédophiles. Oui, en France. Oui. Mais ça, c'est même pas destination aux enfants en plus. Oui, c'est pour du public âgé. Mais c'est vrai qu'en fait, la majorité des mangas pour enfants qui sortent en France, c'est des mangas animaliers. Par contre, ça c'est vrai. Oui. Donc là, c'est vrai que ça change un peu. Manga préféré de Tom Bendit. Et après, c'est lui qui nous dit gna gna, c'est moi qui fais du montage, gna gna gna gna. Mais je compte pas le couper. Ah! Mais donc voilà, ça reste encore un bon petit titre des éditions Vega. Et encore une fois, c'est assez original, comme tu le disais. Oui, par contre, oui. Ils ont vraiment un catalogue qui, globalement, est atypique. Sort de l'ordinaire. Donc voilà, on peut recommander pour si vous avez des gamins dans un entourage proche. Puis en plus, le tout d'humour absurde, c'est quelque chose qui reste assez rare dans les parutions de manga, mais vraiment, à ce point-là, quoi. Bon, j'ai pas lu, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Sam, c'est souvent l'humour absurde, enfin, même dans des gros trucs genre Gintama, c'est un des principaux ressorts comiques en général. Après, moi, c'est pas un humour absurde qui me touche parce qu'il est trop souligné, enfin, ils disent vraiment « Oh, regardez, c'est absurde », et ça me gave, enfin, ça me sort du truc. Ah oui, là, ça manque de naturel, je trouve, enfin, en tout cas, d'un naturel européen, quoi, enfin, c'est pas la même culture, quoi. donc c'est normal, en même temps, de pas adhérer à tous les codes, on n'a pas été, voilà. Sacré travail de traduction, parce qu'il y a un nombre de jeux de mots assez dingue. Alors, c'est la traduction de... Et qui sont vraiment respectés. S'adapter. Bah attends, je vais un gros travail d'adaptation à ce moment-là. Ouais, aussi, je pense. Yuki Kashiki. Eh oui, merci. Kakishi. Merci. Qui a traduit le pacte des yokai. Qui connaît personne, c'est plus édité. Haha, merci d'aller court. C'est traduit, voilà. Mais c'est adapté par Nathalie B. Parce qu'il y a aussi travail d'adaptation pour les blagues et les jeux de mots, justement. Ouais. Merci, Nathalie. Mais du coup, ouais, c'est gros travail d'adaptation, effectivement, pour les calembours. Ce qui doit être juste une plaie. Et donc, de ce qu'on ouais, a. Pense, ouais. Et donc, c'est une série encore en cours au Japon. Non, c'est fini en 11 tomes. Ah, c'est terminé. Ah oui, parce que oui, c'est vu que c'était en espagnol. 11. Ah oui, d'accord, c'est pas le petit. Bah, 11 tomes après, ça va, c'est pas énorme. Hein. Dans l'univers manga, c'est pas énorme, 11 tomes. C'est quoi 11 tomes dans l'univers manga? On va changer de catégorie, on va passer à quelque chose de beaucoup plus adulte, de beaucoup plus. On va parler de Charles Burn, Dédale. Enfin, on va parler, c'est Arthur qui va nous en parler. Le tome 1 de Dédale, édité par Cornelius. Je l'ai lu quand c'est sorti, donc ça date un peu. Alors déjà, c'est un tome 1, ce sera une trilogie, comme la plupart des séries de l'auteur, qui paraissent d'abord en volume simple d'une... Je sais pas, là, il y a 60 pages environ. Avant d'être relié, ouais. Avant d'être relié dans un plus gros ouvrage, du coup, d'ici, je sais pas, 4-5 ans. Charles Burns, qui sera d'ailleurs au prochain Festival d'Angoulême, avec une exposition, des signatures et des masterclass, etc. Donc, ça raconte... J'essaye de délayer pour repousser, parce que je me souviens plus trop. Donc, il fallait que je retrouve. Mais ça se sentait. Oui, ça se sentait. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme, on s'en fout les prénoms, hein, je pense. Oui, voilà. Qui est passionné de cinéma, de science-fiction et de cinéma de genre. Voilà. Moi, c'est un bon gars. Ouais, jusque-là, ça va. Oui, jusque-là, ça va. Qu'est-ce qu'il pense de Sonessian? Alors écoute, peut-être qu'il y aura ça dans le tome 2. Est-ce qu'il a aimé Zardos? Et bon, alors non, c'est confus au niveau du scénario, mais ça se sent vraiment. Il y a beaucoup. Lui, il dessine beaucoup et il Charles Burns, ça vaut mieux, ouais. Les personnages. Et il rencontre une jeune femme avec qui il va se lier d'amitié, sache plus. On va essayer de te donner du temps pour réussir à retrouver tes moyens. Toi, oui, oui, parce que ça m'exaspère tellement ce qu'il dit que ça... ça marche pas. Ah bon. Ça me sort de ma concentration. Non mais bon, enfin donc voilà, ça parle beaucoup de cinéma, de science-fiction, d'imagination, du rapport à la création et à l'art quand on écrit, j'imagine. La fois que t'as dit que ça parlait beaucoup de cinéma, c'était Fire Punch et bon... Mais ça et moi, on n'en a pas des bons souvenirs. J'y peux rien, mais ça parle de cinéma. On va pas, bon voilà. Il y a aussi des pénis. Oui, bah c'est Charles Burns, quoi. C'est ça. Est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point, les pénis? Bah, quand t'es au bord d'une falaise dans le vide, là, c'est là, quoi. Et... Tu sais que t'es pas obligé de dire des trucs qui n'ont ni que les têtes. Non, mais je te montrerai à toi. Bah, bon, c'est si, c'est pas super. Aussi, mais... enfin, bref. Que tu lui montres à Chris, ça va, mais... C'est pas ça qui est important. Eh ben, ça va attiser la curiosité, ils iront voir et l'achèteront. Ouais, parce que pour l'instant, là, l'auditeur, il sait qu'il y a des bites et que ça parle de cinéma. Eh ben, ouais, mais est-ce que c'est pas suffisant? Alors, ceci dit, c'est vraiment un premier tome très introductif. Ça établit surtout... Un truc avec des bites très introductifs. Ouais. Enfin bon, ça établit surtout un propos général sur l'art, sur le cinéma, sur la création, vaguement une relation entre deux personnages. Mais pour l'instant, c'est tout ce qui est mis en place, donc ça donne envie d'en savoir plus, ça reste très mystérieux. C'est très beau graphiquement, il y a de gros travaux de découpage aussi, qui sont assez intéressants aussi dans ce que ça met en scène au niveau de la mise en scène de films qui existent réellement. aussi. Donc voilà. Tu veux dire que ça reprend des plans de films qui existent. Ouais. Enfin, en les redessinant, c'est pas tel quel. Mais oui, oui. Donc voilà, c'est vraiment très bien, aussi très intime. On sent qu'il y a pas mal de choses assez personnelles dites de l'auteur qui projette dans son personnage. Donc c'est assez intéressant et voilà, hâte de voir la suite. Je sais pas si c'est le meilleur pour commencer avec l'auteur, parce que c'est pas le plus directement impactant et peut-être il est, enfin, il fait beaucoup écho à d'autres de ses œuvres. Mais dans tous les cas, si vous intéresse ou si vous appréciez l'auteur, c'est très bien. Très bien. Merci de nous avoir parlé de Dédale, Arthur. Avec Issam, vu qu'on est que deux à l'avoir lu, on va vous parler de La Rivière à l'envers, d'après le roman de Jean-Claude Mourleva. Je sais pas si tu as lu le roman toi-même, Issam. Non. Moi non plus. C'était pour meubler. Au niveau de la BD en elle-même, par L'Hermenier, Jet et Parada. Et c'est aux éditions Jungle Pépites, donc on y revient, ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, pour Fils de sorcière. Donc, La Rivière à l'envers, c'est un tome 1, le tome 1 s'appelle Tomek, et donc ça se passe dans un monde où il y a une légende qui parle d'une rivière qui, dont le cours est inversé, donc qui part de la mer et qui remonte à sa source dans la montagne, et si on arrive à boire l'eau de cette rivière, on devient immortel. Et donc, le héros est un jeune homme qui va rencontrer une voyageuse qui, elle, recherche l'eau de cette rivière. Elle se rend à son échoppe, parce que lui, il possède tout. Il est vendeur et une échoppe où il y a tout. Sauf l'eau de la rivière à l'envers. Voilà. Alors, au début, on ne sait pas trop pourquoi elle veut l'eau, mais lui, il va tomber amoureux d'elle, ça fait beaucoup de foudre, et donc il va décider de partir lui-même à la recherche de l'eau de la rivière. C'est aussi parce que son grand-père commence à être très vieux et que donc il se dit peut-être qu'il pourra le sauver au passage. Et donc ça suit son voyage à travers toute une série d'étapes. Encore une fois, ça rappelle beaucoup un conte. Donc il va traverser une forêt, notamment où dès qu'on y entre, on est instantanément oublié de toute personne qui est à l'extérieur de la forêt. Et c'est seulement si on arrive à sortir de la forêt que tout le monde se rappelle de nous. Il y a un champ avec des fleurs qui ont des odeurs particulièrement dangereuses. Enfin, il y a plein d'étapes comme ça. Qui font halluciner. Et donc, il va aller à la recherche de cette rivière à l'envers. Chaque étape étant aussi une forme d'initiation vis-à-vis de son rapport à la vie, à la mort et aux autres, à l'amour. C'est le récit entier qui est un grand voyage initiatique tous ces aspects de l'humanité, en fait. C'est un road movie voyage initiatique. J'ai beaucoup aimé ce côté-là, justement ce côté conte. Déjà, chaque étape, je la trouve super imaginative. Alors, il y a pas mal de trucs qui sont des codes plutôt récurrents du conte. Je pense notamment à l'île, je vais pas trop en dire, mais c'est quelque chose qui rappelle pas mal les sirènes, notamment. Bah, rien que la forêt, hein. Un lieu un petit peu mystique qui change ce que l'environnement extérieur en pense, c'est assez commun, finalement. Oui, mais c'est super bien traité, il y a justement une évolution psychologique du héros et un côté apprentissage que je trouve bien géré, qui moi-même m'a touché et qui je pense peut parler au public auquel c'est destiné, donc de nouveau un public plutôt enfantin, mais là pour le coup un peu plus adulte. Ouais, Fils de sorcière, c'est vraiment public enfantin, ça peut être apprécié par les adultes, mais c'est vraiment le public cible, le public jeunesse, alors que là ça peut vraiment être lu et apprécié par tout le monde. Ouais. C'est vraiment du tout public. Visuellement, c'est très magnifique. Joli, très coloré, avec un gros soin apporté au décor et aux quelques créatures fantastiques qu'on voit, même s'il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a notamment les ours géants dans la forêt qui sont cool. Les personnages qui sont croisés sont super attachants. Sont super attachants, super bien caractérisés assez rapidement. Et c'est aussi une BD qui arrive à être autant émouvante que drôle. Oui, c'est ça. Avec même une étape qui est limite un peu inquiétante, celle du quand il doit affronter l'espèce de démon qui garde l'arc-en-ciel. Il y a un mélange d'ambiance qui est super cool, jusqu'à une morale finale que j'ai trouvée vachement sympa. Oui. Donc c'est tout mignon, c'est très chouette, c'est très beau. Encore une fois, il y a un petit dossier à la fin sur l'auteur et sur le cycle de l'eau ici et les explorateurs. C'est un tome 1, mais il se suffit à lui-même. Le tome 2, même, est centré sur le personnage féminin, d'ailleurs, cette fois-ci. D'accord, sur une autre aventure ou c'est... Sur une autre aventure. D'accord. Du coup, ils peuvent être lus de manière plutôt indépendante. Et c'est tout aussi bien. Tout aussi bien dessiné. On peut aussi évoquer l'édition, qui est très jolie. Ouais, bah comme le précédent, hein. J'aime bien la texture de la couverture. Mmh. Je sais pas comment on appelle ça. Avec un petit signé aussi. Ouais, avec un petit signé. C'est une couverture en relief, quoi. Ouais, un peu tramé. Mmh. Ouais, bah comme je disais, mes coups de cœur de ce mois-ci sont pas mal enfantins et c'en est un autre. Ouais, ça aussi, c'est l'un de mes coups de cœur. Un de mes coups de cœur. Je sais pas s'il y aura un tome 3, par contre. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ces deux tomes-là sont très très bons et se suivent eux-mêmes. Le panda est mignon. Oui. Et donc, ça va être une collection à suivre parce que du coup, leurs trois premiers titres, vu qu'il y a les deux tomes de ça, sont vachement chouettes. Bah ouais, que ce soit en termes d'édition et en termes de contenu. Donc, une lecture qu'on vous recommande avec Issam. On va rester dans le grand format, on va rester dans le format franco-belge. On en aura abordé beaucoup à cette émission. On va retourner chez l'édition Cornelius avec La main verte et autres récits, dessinés par Nicolas Clavelou et scénarisés par Edith Za. Voilà, donc c'est le premier volume de l'anthologie que dédie Cornelius à l'œuvre de Nicole Clavelou. Normalement, il y en aura plusieurs autres. On nous parle déjà du second volume dans la préface, qui est relativement longue et qui revient en détail sur la carrière et la vie de cette dessinatrice apparemment très importante dans les années 70-80 de la bande dessinée française. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pas du tout. Moi, pas du tout. Voilà, donc elle était une culture, Donc qui a priori travaillé aux côtés de Moebius et d'autres comme ça, donc pas tout à fait n'importe qui. Moebius, oui, ça parle déjà plus. Ouais. Et donc là, on retrouve l'intégralité d'une histoire en 5 chapitres, donc éponyme La main verte, et ensuite de courts récits en noir et blanc cette fois-ci. Qui sont des espèces de parodies, déformations de contes traditionnels. Un livre en deux temps, sachant que les deux sont très différents. Moi j'ai adoré, alors déjà graphiquement je trouve que c'est vraiment splendide, alors tant quand c'est colorisé, où il y a des jeux de couleurs pop très très, très, très intéressants, et des graphismes aussi très très référencés. Des jeux de découpage et de mise en scène qui appuient une atmosphère vraiment très très intéressante, hypnotisante et qui donne envie de relire avec beaucoup beaucoup de détails. Donc si ça vous intéresse, c'est bien. Voilà. Quelque part, j'ai pas. Bah non, mais clairement, je vais pas parler tout seul dans le vide. Enfin, c'est chiant. T'énerve pas. Moi bah, je m'énerve pas, c'est juste chiant. T'énerve pas. Non, mais c'est graphiquement, c'est vrai que ça a l'air joli, mais bon, après, faudra peut-être que je le lis. Bah ouais. Retour au manga avec un éditeur dont on a peu parlé dernièrement, le Lézard Noir, qui nous publie Zenkamono, dessiné par Toji Tsukishima sur une histoire de Masahito Kagawa. Vous êtes deux à l'avoir lu autour de la table, Issam et Arthur. Issam va nous en faire un petit résumé. Alors, Zenkamono, ça se passe sur l'île d'Enoshima, qui est à côté de Tokyo. Et ça suit une jeune fille, Agawa, qui est agent de probation, donc c'est-à-dire qu'elle va aider à la réinsertion des criminels qui sortent de prison. C'est une activité bénévole, et elle fait ça en plus de deux autres boulots, donc autant dire qu'elle n'a pas réellement de vie. Elle aide Ishikawa, qui est un jeune homme qui avait poignardé son frère quelques années auparavant. Mais au procès, il était ressorti qu'apparemment son frère avait violé sa petite amie de l'époque et que c'était pour ça donc qu'il l'avait poignardé, ce qui avait permis un allègement de sa peine. Et donc quand il ressort de prison, bah, d'une part il est un peu paumé, bah, comme n'importe qui ressort de prison, je pense. Et puis surtout, il va retrouver bah, d'une part sa petite amie de l'époque qui est un peu ambiguë dans son rapport avec lui, qui s'approche de lui mais en même temps reste distante. Et il y a d'autres personnes de l'île, notamment un vieillard qui clairement cherche à le pousser à bout, qui le considère comme un déchet, criminel un jour, criminel toujours, et donc va essayer de le pousser dans ses derniers retranchements. Et donc Agawa va essayer de l'aider à garder la tête hors de l'eau malgré ça, sachant qu'elle aussi se pose des questions sur « moi aussi j'ai une vie de merde, moi aussi les gens me traitent comme de la merde, finalement est-ce qu'un jour je pourrais pas me retrouver dans la même situation, déborder tout autant et finir par faire la même chose ?» Donc thématiquement, c'est super intéressant et je trouve ça très très beau graphiquement. Après, j'aurais du mal à dire exactement quoi, mais au niveau de l'ambiance et peut-être du rythme, il y a quelque chose qui fait que j'ai eu du mal à vraiment complètement rentrer dedans, à vraiment me passionner pour l'intrigue et m'attacher au personnage. Donc j'aurais des réserves finalement, mais ça traite quand même des thématiques que je trouve intéressantes, que je trouve assez importantes. C'est un peu les mêmes thématiques au niveau de la réinsertion que pouvait y avoir dans le truc de Tsutsuin, comment ça s'appelle. Le truc. Son dernier en date. Ouais. Noise. Noise, de Tsutsuin, qui avait aussi la question de la réinsertion, mais du coup, là, c'est un peu la version un peu plus de gauche, on va dire. Un peu plus. Un peu, quoi. Bah, pour... Modérément. Ouais, quand même. Bon, sur ce sujet-là, ça va, quand même. Il y a d'autres trucs, oui, mais sur ce sujet... Un peu de droite. Ouais. Mais ouais, c'est bien, mais je sais pas, il y a un petit truc qui fait que j'ai pas réussi à totalement rentrer dedans. D'accord. Moi, je l'attendais beaucoup et j'ai été assez déçu quand même. Ça m'a beaucoup fait penser en fait à certains mangas des années 90, mangas sociaux, je sais pas, alors moi, ça m'a pas du tout plu. L'ensemble est très caricatural, des situations et des dialogues extravagants qui coupent le réalisme auquel pourtant prétend le manga, quoi, en essayant de présenter des situations sociales. Ça m'a un peu déçu / agacé quand même tout du long, et graphiquement je suis pas du tout sensible au trait, que je trouve qui manque d'émotion en fait, comme un peu tout le manga, ou alors il est mal placé l'émotion, enfin c'est dans des, je sais pas, je trouve qu'il est ambigu dans sa mise en place d'atmosphère, et que moi je suis beaucoup de mal à rentrer dedans. Après, caricatural, je le trouve un peu extrême, je dis pas que c'est d'une complète finesse et que c'est le plus grand portrait psychologique de l'année, mais caricatural, c'est un peu... Bon, l'ex-copine, quand même beaucoup, l'héroïne, pas mal aussi, dans leur... Maladroit, peut-être, mais je suis pas d'accord, caricatural. Très maladroit, alors, mais bon. Moi, j'ai bien aimé, mais voilà, avec sans plus. Clairement pas l'une des lectures du mois, quoi. Non. Ni pour l'un ni pour l'autre. Non. Ah, pourtant, on l'aura bien compris. Enfin, c'est pas absolument nul, hein. Si le sujet vous intéresse, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Et chaque tome, à mon avis, suivra un personnage et un cas de réinsertion particulier, parce qu'à la fin de ce tome, on arrive à la fin de ce cas-là. Voilà. Ah, d'accord. Donc la fin du tome est une conclusion en soi. Ouais, voilà. Qui peut se suffire à lui-même, quoi. Oui, plutôt, oui. D'accord. On va retourner faire un coucou chez Ototo. Décidément. Pour vous parler d'un titre que seuls deux d'entre nous ont lu autour de la table, Issam et Necro, Mythical Beast Investigator, c'est dessiné par Koshiro Oshino, d'après une histoire de Keishi Ayasato, et au caractère design, on a un certain Lac. Du Connemara. Et bah, après autant d'heures d'émission, toujours autant les blagues qui font rire, merci Issam. Alors, donc ça se passe... Je vais mettre le décor en place. Ça se passe dans un monde fantastique, où il y a des fouivres, des dragons, des elfes, tout ce qu'on veut. Ah oh putain, c'est bon, ça m'a saoulé. Non, j'ai pas dit des demi. Ah. C'est la grosse différence. Et on a une... Alors j'essaie de requalifier un peu son truc, parce que je me souviens plus si elle est inquisitrice ou si elle est... Elle est prêtresse, plus ou moins. Je dirais paladin, moi. Ça correspond à peu près à ça. Inspectrice des créatures légendaires. Ouais, et bah dis donc, si ça c'est pas un titre pompeux. Voilà. Mais en gros, c'est comme si elle était représentante du Vatican local, quoi, pour s'occuper. Le Vatican local. Pour s'occuper de ce type de cas. Une personne qui se retrouve allée dans tous les villages où il y a eu des appels à l'aide. Pour voir la situation, comment ça se passe par rapport aux créatures mystiques, magiques et tout. Sur, par exemple, pourquoi elles foutent le bordel, qu'est-ce qui se passe, est-ce que telle disparition n'a pas lieu justement à telle créature qui est dans le coin. Et donc, elle va enquêter sur ça et essayer de résoudre les situations de façon à arranger ça au mieux. Mmh. Et elle est accompagnée par un être assez, assez bizarre, assez sombre, qui est une sorte de lapin, de grand lapin noir. C'est Tony Darko. C'est tout à fait ça. Ah merde. qui semble être un être un peu démoniaque, mais qui fait tout pour la protéger. Oui, c'est Donnie Darko. Voilà, plus ou moins. Moi, j'ai bien aimé parce que bon, t'as des cas qui sont assez. Ça semble assez documenté par rapport à l'univers dans lequel ça se trouve. Mmh. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose, t'as vraiment toute l'explication du pourquoi ça fonctionne comme ça. J'ai trouvé le dessin assez cool. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est pas superbe non plus, mais c'est très, très, très efficace pour l'histoire. Et sinon, on sent qu'il y a vraiment des trucs en dessous. Disons que le premier tome est augure. Vraiment quelque chose d'assez d'un peu plus sombre pour la suite. D'accord. Parce que là, le premier tome est là vraiment pour le coup assez feel good, mais tu sens que bon après ça peut partir en steak derrière. Voilà. Pas forcément grand chose à ajouter pour moi. Là, je pense à peu près la même chose que toi. J'ai passé un bon moment en lisant. Après, c'est pas non plus ultra mémorable. C'est pas ce qui m'a le plus marqué dans mes lectures. Graphiquement, il y a des trucs intéressants, notamment au niveau des créatures fantastiques et de l'espèce de démon qui accompagne l'héroïne, qui lui donne lieu à des mises en scène assez, assez cool. Mais globalement, c'est joli tout le temps. Ouais, j'ai passé un bon moment. Je lirai volontiers la suite sans forcément courir après. Mm-hmm. C'est sympa. D'accord. C'est vrai que pour le coup, le lapin noir me fait un peu penser au personnage d'Helsing dans les Helsing, oui. Qui fait un peu ange gardien démoniaque, quoi, et qui a des pouvoirs un peu surpétés. Mmh. Et je crois qu'il n'apparaît qu'à elle aussi, un truc comme ça, les autres le voient pas. Ou non, il va se planquer. Il simule la plupart du temps, ouais. Parce que c'est vrai que ça fera un peu peur aux gens quand même. Un peu. Un petit peu. Ah bah, un lapin adulte, c'est dangereux. Hein. Ouais. Donc pas la lecture du mois, mais quand même une lecture c'est agréable, une lecture plaisante. Ouais. Que serait ce podcast sans parler de Mickey? Qui devient... Je croyais qu'on allait parler de nazi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nazi. Alors ouais. Que Mickey, ça commence à devenir très courant. Il va falloir que tu te mettes à imiter en Mickey. Temps, Walt Disney. Hein? Walt Disney. Oui, mais toi, il va falloir que tu... Oh putain, non. Nous l'avons lancé. Merde. Un Mickey, cette fois-ci, proposé par le duo Denis-Pierre Filippi au scénario, Silvio Camboni au dessin, et c'est même un trio, puisque aux couleurs, nous avons Gaspard Yvan, assisté de Jessica Baudard. Donc du coup, ce n'est plus un trio, c'est un quatuor. Cette rubrique part beaucoup trop loin. Donc nous avons encore une fois une carte blanche de Glénat, avec des auteurs européens, qui nous plonge cette fois-ci avec un Mickey dans un univers steampunk. Mmh. T'as pas précisé, on est trois à l'avoir lu autour de la table. Alors, je l'ai lu. D'accord, donc on est trois à l'avoir lu autour de la table, Issam, Necro et moi-même. Un univers steampunk où Mickey, Minnie et Dingo sont des fouilleurs d'épaves. Oui, ouais. C'est ça, en gros. Qui récupère des extraits à partir d'épaves trouvées. Voilà, pour reconstituer en fait d'autres appareils qui leur permettraient d'aller plus profond dans l'océan. Bah, en fait, il y a une guerre à l'énergie. Voilà, pour trouver une nouvelle forme d'énergie. On sait que le monde sort d'un très gros conflit. Mmh. Parce que ce conflit-là est déjà exprimé à un moment. Et là, en fait, c'est une période un peu entre deux. C'est une période de calme entre deux. Et il y a une grosse bataille à l'énergie. Cette énergie-là est représentée sous la forme de la coralite. Ouais. Qu'on retrouve dans les océans et qu'on retrouve des fois aussi dans les épaves... des véhicules qui sont généralement tombés par exemple au fond de l'eau, des trucs comme ça. Donc du coup, il y a des personnes qui sont payées à aller rechercher ça. Voilà. Et du coup, bataille entre l'équipe de Mickey, Minnie et Dingo et en face l'équipe de Patibulaire qui fait tout pour piquer tout avant que Mickey ne puisse accéder. Oh, enculé Patibulaire. Très souvent, c'est Patibulaire qui regarde de loin et qui intervient une fois que le pactole a été trouvé. Quoi. C'est là, ok. Voilà. Parce que lui a beaucoup plus de moyens que la team Mickey. Et puis bien entendu, après ça se développe en une histoire beaucoup plus dense que cette simple chasse au trésor pour ça. Puis même le rapport entre les personnages évolue beaucoup très vite. Visuellement, c'est magnifique. Ouais, complètement fou. Les couleurs aident aussi. c'est très très beau, que ce soit au niveau des couleurs, de la mise en page, du dessin. Puis même les fonds marins, tout ça, qui est quelque chose qui n'est pas spécialement fascinant, c'est extrêmement détaillé. Mm. Quand il y a quelque chose de crade, ça rend du crade. C'est pas... les épaves, même ce qui est utilisé comme scaphandre, t'as vraiment l'impression que t'as vraiment de la vase qui se dépose dessus. Et tout. Enfin, c'est... Il y a un gros travail de colorisation. Bah, cet univers steampunk qui est vraiment super bien rendu, en fait, au final. Il y a un événement en milieu de tome qui fait qu'il y a un changement, un gros changement au niveau du décor et de la faune et la flore qui est super bien géré et qui donne des décors encore plus fous sur la deuxième moitié. Et ça, du coup, on en avait parlé en off, toi et moi, Issam. C'est un truc, en fait, qui aurait mérité d'être beaucoup plus étendu. Oui, sur deux tomes, ouais. En fait, voilà, limite, je regrette que cette histoire, cette carte blanche, ait pas été étendue sur deux tomes pour une fois. Bah, quand je suis arrivé à deux tiers, je me disais, mais... C'est en plusieurs tomes, c'est pas possible. Ah oui, parce que ça... Je sais pas si ça a fait comme ça pour vous, en me disant, mais il reste que quelques pages, là. Ouais, parce que là, en fait, s'il y aurait un défaut à pointer, c'est que la fin, on va pas la raconter, mais que la fin est extrêmement expéditive, quoi. Trop expéditive, en fait. C'est comme s'il avait avancé, puis il disait, bon, alors j'ai combien de pages, là, on va fort pour terminer. Ah merde, il m'en reste 5. Parce que ouais, ça n'a pas encore été fait des cartes blanches comme ça sur plusieurs tomes, mais là, pour le coup, ça aurait mérité un développement d'univers sur deux tomes. Oui. Vraiment, et c'est dommage, mais après c'est le seul défaut qu'on pourrait pointer du doigt. Ça fait très Jules Verne dans l'ambiance. Oui. Oui. Bah, même dans l'habillage. Hein. Enfin, ouais. le côté steampunk déjà, voilà. Le fait que ça se passe beaucoup en fond marin, tout ça, c'est très, oui, c'est très Jules Verne. Et puis mine de rien, de tous les Mickey cartes blanches qu'on a lues, alors il reste tout public, mais c'est peut-être l'un des plus matures. Oui. Au final, pour l'univers qu'il propose déjà. Je réfléchis aux autres. Mais... Parce que déjà, ça nous suggère un passé trouble. De ce qui s'est passé, on ne le montre pas, bien entendu. Mais bon, si on voit pas Donald, c'est qu'à mon avis, il a fini en il a fini en brochette, le pauvre. Il y a eu un chantelant entre temps. Ah. Mais encore une fois, Encore une fois, les cartes blanches sont souvent vachement bien. Voilà, c'est ça. Bon. Là, pour le coup, on commence à taper dans le haut du panier, avec celui-là. Oui, oui, clairement. Parce que là, ça va être difficile de faire mieux, hein. En tout cas, graphiquement. Ouais. Ah, celui qu'on avait eu avec la maison hantée était très beau aussi. Ouais. Très beau aussi. Là, il y en a un nouveau qui est sorti, donc on en reparlera encore au prochain numéro. Et qui est bien. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu, mais un centré sur Mini qui apparemment est très très drôle. D'accord. Voilà. En tout cas, ils savent quoi faire de leur licence, hein, Disney. Bah, oui, et puis c'est bien la preuve. Ouais, c'est bien qu'ils fassent appel à des artistes et qu'ils les laissent faire un peu ce qu'ils veulent. C'est surtout ça en fait. C'est bien la preuve que, en fait, tu peux avoir des grosses licences que t'aimes pas trop laisser faire les gens n'importe quoi dessus, mais en fait, quand tu prends des gens qui sont respectueux du matériel de base et qui l'apprécient, ça fait des bons trucs. Même s'ils font quelque chose de totalement différent. Donc, encore une carte blanche qu'on peut clairement recommander. Ouais. Mickey et l'océan perdu. J'avais même pas dit le titre. Voilà, c'est très très bien. C'est toujours disponible chez Glénat. Et puis toujours des belles éditions avec les tranches en toile et tout ça. Enfin, c'est très sympa. On va terminer la partie sélection de ce podcast, de ce long podcast, j'ai l'impression. Ah oui. Même si on s'est quand même relativement contenu, vu le nombre de trucs qu'on avait à aborder. C'est vrai. On est cette fois-ci chez les éditions Paquet. Pour parler de Usagi Yojimbo. Un gros paquet. Je savais que tu le dirais. Je savais. J'ai tout fait pour pas le regarder, mais j'ai pas pu. Il me regardait. D'un air, fais-la. Usagi Yojimbo. Écrit et dessiné par Stan Sakai. Il fait froid, oui. Non, mais là, il est lancé, c'est mort. Mais t'as fini, c'est la fin de l'émission, contiens-toi. Ouais, je suis chaud là. Non, ça caille. Ouais, tout le reste, c'est un échauffement là. Là, ça y est, il est à fond là. Donc, Paquet ressort Usagi Yojimbo cette fois-ci dans le format original, c'est-à-dire donc le format comics, parce qu'il les avait édités en format manga. Noir et blanc format manga. Le comics en lui-même, quand il sort aux États-Unis, est en noir et blanc. Là, c'est juste une recolorisation cette fois-ci. Ah, d'accord. Je ne sais pas si la colorisation est supervisée par Sakai en personne. La couleur est faite par Myriam Lavial. Je pense que Sakai n'a rien à voir avec. Pas très très joli, hein, la colorisation. Si. Oh, c'est très bien. Côté coloré, oui. Qui va super bien. Oui, surtout qu'il y a, y a des pages très jolies. Ah, ouais, là, ouais. Usagi Yojimbo, on est trois à l'avoir lu. Necro, Issam et moi-même. Usagi Yojimbo, ça suit un lapin dans un Japon médiéval mais anthropomorphe. Un Yojimbo. Un Yojimbo, donc. Yojimbo, c'est un garde du corps. Mm. Qui est donc, qui va de mission en mission selon qui l'emploie ou selon les injustices qu'il constate le long de sa route. Donc le tome 1, il y a quelques personnages qui reviennent d'un chapitre à l'autre, mais globalement on peut pas vraiment dire qu'il y ait de fil rouge. Oui. À la fin du tome, on commence à en découvrir un peu plus sur Yojimbo lui-même, sur son passé, mais ça reste relativement léger pour le moment. Je sais pas si ça change par la suite. Oh, ça reste quand même très... Ça reste quand même du relativement tout public, hein, Yosuke Yojimbo. Puis sinon, c'est quelque chose qui est très important, peut-être, c'est que c'est un renard. Oui. C'est oui. Quelque chose qui est aussi important pour le personnage. Effectivement, oui, il a perdu son maître. Pour le personnage et pour le ressenti qu'ont les autres personnages sur lui aussi. Bah oui. Visuellement, je trouve ça super joli, tant au niveau des décors que les personnages qui sont super expressifs à chaque fois. Le ton, effectivement, est plutôt léger l'ensemble, c'est plutôt fun, c'est des enquêtes d'une vingtaine de pages. C'est un peu comme si. C'est un peu comme des Ataishi, mais en une vingtaine de pages et en mode léger, quoi. Toujours des scènes de combat qui sont super dynamiques. Donc, ouais, vraiment un super bon roman, c'est une lecture fun. Avec un bel hommage comme ça au film notamment de sabre qu'il pouvait y avoir dans les années 60 principalement, en version plus enfantine, sans être pour tout jeune public, ça reste quand même accessible je pense assez jeune. Alors, oui, parce que après ça reste un minimum violent, il y a du démembrement, mais voilà, il n'y a pas de giclure de sang ou quoi. Un peu. Oui, mais c'est pas non plus. Pas les deux en même temps, généralement. Voilà. Ça garde un côté fun, même quand il y a des démembrements. Alors, par contre, il y a un cheval qui prend cher à un moment, là j'étais choqué. Ouais. Sinon, ça va. Donc, sinon, c'est un personnage qu'on a connu en Europe, principalement grâce aux Tortues Ninja, parce qu'ils ne savaient plus trop quoi faire ce personnage-là à un moment, et puis ils se sont dit, ah bah tiens, si on le faisait apparaître en caméo. Dans l'animé Tortues Ninja. Ouais. Et du coup, nous, on l'a connu comme ça. Et du coup, il a fait partie des jouets officiels Tortue Ninja. Il y a eu un comics, Yojimbo Tortue Ninja. Ouais. Qui est bien. Qui est sympathique, quand on aime bien les deux licences. Mmh. Voilà. Mais du coup, c'est une réédition des œuvres de l'époque. Ah oui, des œuvres de l'époque. Voilà. Oui, on ne l'a pas évoqué, mais c'est du vieux comics, Usagi Yojimbo. Ça date du milieu des années 80. Ah bah ouais, parce que de toute façon, on fait un peu le style justement qu'on trouvait aussi de la période tortue. Ça date du milieu des années 80 et c'est toujours en cours surtout. Ah ouais. C'est aussi ça, oui, c'est toujours en cours, Usagi Yojimbo. Ils sont à combien de tomes comme ça? Beaucoup. C'est toujours Stan Sakai. 36, tu disais? 35, 36 par là, je crois. C'est toujours Stan Sakai qui s'en occupe. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça fait partie un peu des dinosaures de nos références culturelles. Oh, je veux bien un écro, enfin, mais là quand même. Mais étrangement, en Europe, il n'est pas si connu que ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est les enfants des années 80 l'ont bien connu parce qu'il a fait une apparition avec Tortue Ninja. Mais sinon, après, dans la bande dessinée, ben, ça fait partie quand même des petites pierres sympathiques à connaître. Heureusement que Paquet le ressort dans une jolie édition maintenant. Mmh. Il est ressorti du coup les spin-offs. Est-ce qu'on peut dire qu'il va y avoir un paquet de tomes? Il tient. Tu tiens le bon bout, c'est bien. Alors, du coup, ils ont aussi profité pour ressortir les spin-offs, parce que Stan Sakai a aussi fait des petits spin-offs. Usagi Yojimbo in Space, qui est un spin-off de science-fiction, avec des lapins ninja de l'espace. C'est Samurai 8 avant l'heure, et en mieux fait. Pour ceux qui aiment justement ce style de bande dessinée, donc en période Edo, avec un style très épuré, des combats assez expéditifs, il n'y a aucun combat qui s'éternise. C'est assez sérieux, finalement, dans le comportement des personnages, malgré le côté cartoon. Oui. Il faut aimer l'anthropomorphique, je sais que d'habitude, c'est pas un style que tu apprécies, Sam. Ouais, mais là, c'est vraiment bien fait, c'est tout mignon, donc ça passe. Et puis, c'est exploité aussi, quand tu veux dire, quand t'as un personnage qui est robuste, il combat de façon robuste. Enfin, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on trouvait dans les Tortues Ninja aussi. Hein. D'ailleurs, tu vois Rosteli, tu te dis, bon, ok, il maîtrise pas le nunchaku, celui-là, il fonce. Oui, c'est un petit peu le but du perso, ouais. Il y a un tricératops quand même dedans. Bah, et alors, il y a le droit d'être partout, non? Non, c'est tout. C'est juste pour avoir le dernier mot. Là, c'est toi qui cherches à l'avoir. Alors, ça va être une battle. C'est bon, je me casse. Hein. Non, une Saga Yojimbo, c'est très bien. Je suis très content que Paquet, du coup, les ressorte dans ce plus beau format que le format précédent, même s'il continue d'ailleurs à éditer toujours le format précédent. Et oui, c'est encore une lecture que je recommande grandement. Ouais, et puis là, grande taille se prête complètement à ça. En off, si tu veux, je te montrerai l'édition manga, c'est illisible. Ouais, bah oui, j'imagine. Le texte est illisible, en fait. C'est pas possible. Parce que c'est des grandes pages comme ça, mais rétrécies en mode format. Quoi. De quoi ? J'ai peut-être un petit peu surestimé, en fait. Parce que là, ils mettent 29 tomes disponibles, je pense qu'il y en a un peu plus. Bah oui. Mais il doit y en avoir 33. Oui, t'étais quand même dans les bonnes zones. Et ça coûte combien, Tom ? Une quinzaine d'euros. Ouais, ça va. Et alors, il devrait aussi le sortir en noir et blanc. Oui, ils vont ressortir aussi le grand format comme ça, noir et blanc. Ça, il y aura trois éditions de Yojimbo, quoi. Moi, j'aime vraiment bien la couleur qu'ils ont fait, pour le coup. Hein. Mm. Et en sachant que l'édition noir et blanc intégrale regroupera chaque tome, trois tomes. Mm. Voilà. C'est pour ça que ça mettra un petit peu plus de temps à sortir. Ouais. Mm. Et comme d'hab, sous réserve que ça fonctionne, quoi. Après, ça, c'est comme ça, un petit statut culte. Oui, Yojimbo, oui, quand même. Hein. C'est quand même assez connu. Même si les Tortues Ninja déjà se vendent pas très bien chez e-comics. Chez e-comics, ça augure pas du meilleur, mais bon. C'est vrai que c'est compliqué parce que les Tortues Ninja, justement, c'est ce qui avait apporté par son aura le fait de mettre ce personnage-là en avant, si même les tortues s'effondrent. Après, le lapin, c'est plus attachant que la tortue. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Je sais pas. C'est... Laisse mes tortues tranquilles. Bah, c'est plus facile à assaisonner le lapin quand même. Oui, aussi. Mais si tu vas par là, une tortue, c'est plus facile à déguster vu que c'est une soupe. Ouais, mais la préparation, ouais. C'est chiant. C'est vrai. Ouais, mais c'est plus facile à attraper. Ouais. Enfin, c'est comme la noix de coco, tu passes un dent fou à l'ouvrir, ça en vaut pas la peine au final. Bah, c'est très bon la noix de coco. C'est très bon, mais quand même. Au bout de l'heure à l'ouvrir, je me demande si ça valait le coup de se casser le cul. Alors que t'avais un magnifique bananier qui était à 2 mètres. Hein, voilà. Et voilà, le lapin, c'est comme la banane. D'accord, on va s'arrêter sur cette métaphore. C'est très facile à polluer. Arrêtons-nous sur cette métaphore, s'il vous plaît. On va se contenter de dire qu'on est trois à recommander Yusaki Yojimbo. On a terminé avec la sélection. Mais on n'a pas terminé avec ce podcast, car il est grand temps pour Issam de nous parler de sa recommandation. Et oui, il est temps de reprendre cette habitude des recommandations. Qu'on avait perdu pendant pas mal d'épisodes. Donc, ma recommandation du mois, c'est Dans la tête de Sherlock Holmes, édité par Ankama. Et donc, c'est de Cyril Liéron et Benoît Dahan. J'arrive pas à savoir qui a dessiné, qui a scénarisé, c'est pas indiqué. Dans la tête de Sherlock Holmes, c'est une enquête donc, qui se passe à l'époque victorienne, donc l'époque normale de Sherlock Holmes, qui fait très dans l'idée enquête canonique dans l'esprit de Conan Doyle, la particularité étant que toute l'enquête, on la voit depuis l'esprit de Sherlock Holmes, donc on voit dans sa tête ses observations et les différents indices qui vont se ranger dans son esprit. On le voit faire des recherches dans son palais mental, comme pouvait y avoir dans la série Sherlock. Et finalement, les plans qu'on a dans l'ensemble, c'est les plans de ce que lui est en train de regarder, avec une mise en valeur des éléments que lui remarque particulièrement. Mmh. Et les parties aussi qui nous montrent les rouages de son esprit, pour montrer comment il lit les différents éléments. Donc dans l'ensemble, il y a un énorme travail des doubles pages, ou des pages au moins, pour justement tout structurer autour de l'esprit, d'une représentation de l'esprit de Sherlock. Donc on va avoir par exemple des fils rouges qui vont parcourir les pages pour lier un élément du décor avec cet élément isolé dans une case qui représente l'esprit de Holmes. Il va y avoir des moments où on va être en plein dans sa tête en coupe, et ce qui va nous permettre de voir un mini Sherlock qui circule dans la tête pour récolter des informations dans des rayonnages. Quand des gens lui parlent, les indices sont soulignés, enfin les mots qu'il considère comme des indices importants sont soulignés, sont mis en valeur. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment une sorte de version extrême de l'exercice auquel se prêtait déjà Sherlock, de nous montrer comment fonctionne l'esprit de Holmes, plutôt que d'avoir une enquête où on suit les indices, mais où on a la révélation qu'à la fin, comme c'est le cas quand c'est Watson le narrateur. Oui. Donc bah, déjà c'est vachement sympa pour son concept. Visuellement, je trouve ça très très beau, non seulement au niveau des dessins en eux-mêmes, que le travail de mise en page qui est assez fou, Et puis il y a une vraie enquête, ce sont en deux tomes. Là, à la fin du tome 1, je dois avouer que bah, c'est comme ça doit être le cas au milieu de l'enquête de Sherlock Holmes, on est plus paumé qu'autre chose, malgré le fait qu'on ait plein d'indices suivis avec lui. Donc c'est vachement cool, ça reprend une relation Holmes-Watson assez canonique, en peut-être avec un Holmes un peu plus fantasque, c'est du Holmes façon Jeremy Brett dans ses épisodes les plus légers. Ça parlera à personne. Ah si, peut-être que parmi nos auditeurs, il y a des Holmesiens. Et il y a des moments, c'est quand même vachement. Il y a des trucs vachement bossés. Genre là, par exemple, il y a une page où il y a une espèce de tache de lumière blanche. Et en fait, si on la regarde en transparence, on voit un personnage en train de courir qui est sur la page suivante en réalité. Donc il y a vraiment un truc très pensé au niveau de la présentation de l'album. Un peu du coup comme le design de la couverture. Ouais, c'est ça, le design de la couverture. Bah, on a la tête de Sherlock Holmes en coupe et pareil, il y a un trou qui nous permet de voir donc, la page de garde avec Sherlock Holmes dans les rayonnages de sa pensée. Donc ouais, grosse reco, l'affaire du ticket scandaleux, ça s'appelle, donc ça sera en deux tomes, après s'ils en feront d'autres affaires par la suite, peut-être. C'est approuvé par le comité des Holmesiens rémois. C'est ça, donc je suis le seul représentant. Non mais voilà, je pense que ça plaira pas que à ceux qui aiment Sherlock Holmes, parce qu'il y a un vrai travail de BD derrière, qui peut plaire à plein de monde, je pense. Même si on n'est pas fan de Holmes, il y a tous les jeux de mise en page qui sont intéressants si on aime les expériences BD un peu originales. Heureux que ça t'ait plu. Oui, c'est un cadeau de... T'es pas obligé de le mentionner, hein, mais... mais graphiquement, ouais, c'est super beau. Ouais. Nous en avons donc fini avec ce podcast de début d'année. C'était long, intense et rempli de blagues insupportables, dit Sam. Ouais, bah je me venge de toutes les blagues que tu fais pendant le vidéo. Oh, je fais pas tellement de blagues, arrête. Et sinon, nous vous souhaitons bonne année, dans tous les cas. Oh bah oui. Quoi qu'il en soit, une bonne année. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être au rendez-vous pour cette année 2020, pour cette nouvelle année qui s'offre à nous. On espère revenir le mois prochain. On ne sait pas, peut-être qu'on va tous assassiner Issam. On n'a plus à qu'il se répète. Pour X raison. Il est temps de vous dire au revoir. Non, il est temps de vous rappeler où vous pouvez nous retrouver. On s'y perd. Issam, où est-ce qu'on peut se retrouver? Alors vous pouvez me retrouver sur la chaîne L'Archiviste du Cinéma, et sur Twitter, Cinémarchiviste. Nécro, où est-ce qu'on peut se retrouver? Arrobas Necronomicor sur Twitter. Arthur? Sur Twitter aussi, arrobas Necronomicor. Oh la vache! Bah réécoutez les anciens épisodes, je fais mieux. Oh là là là, putain mais... Et quant à moi, Twitter, arrobas au gré des bulles. Également, dans un autre podcast, avec les mêmes ignobles créatures qui m'entourent, la guerre des clapes. Ouais. Également, un autre podcast, cette fois-ci uniquement avec Issam. Donc, qui est le vidéoclub de Castle Rock, qui est consacré aux adaptations de Stephen King, donc télévisuel et cinématographique. À l'heure où ce podcast sera posté, on en sera sans doute l'épisode 11, c'est-à-dire La Tempête du Siècle. À mon avis, La Tempête du Siècle, ça va se côtoyer. Soit La Tempête du Siècle ne sera pas sortie, soit il sortira juste après. On verra. Parce qu'il n'est pas sorti. Ouais, il y a des chances qu'il sorte. Ouais. Du coup, soit ça sera le magnifique Dreamcatcher, soit ça sera le non moins magnifique, mais mieux réussi tout de même, Tempête du Siècle. Ouais. Et dans ce cas-là, le prochain épisode, ce sera La Part des Ténèbres, qui là, pour le coup, est vraiment magnifique. Voilà, qui là, pour le coup, est vraiment un très bon film. Vous pouvez également nous retrouver sur Discord, il va falloir qu'on se bouge le cul pour y être un petit peu plus présent. En attendant, on vous dit au mois prochain, et merci de nous avoir écoutés. A plus. Au revoir.